Livre des Nombres, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par le site mission-web.com. Chapitre 1. Le Seigneur parla à Moïse au désert de Sinaï, dans la tente de réunion, le premier jour du second mois, la deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte, en disant: Faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant par tête le nom de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes aptes à porter les armes en Israël. Vous en ferez le dénombrement selon leurs troupes, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme de chaque tribu, chef de sa maison patriarcale. Voici les noms de ceux qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élissur, fils de Sédéur. Pour Siméon, Salamiel, fils de Suri-Sadaï. Pour Judas, Naasson, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Nathanaël, fils de Suar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Elon. Pour les fils de Joseph, pour Ephraïm, Elisama, fils d'Amiud. Pour Manassé, Gamaliel, fils de Phadassur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gédéon. Pour Dan, Ahiézer, fils d'Amisadaï. Pour Azer, Phégiel, fils d'Oshran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Duel. Pour Nephtali, Ahira, fils d'Enan. Tels sont ceux qui furent appelés de l'assemblée. Ils étaient princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron, ayant pris ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, convoquèrent toute l'assemblée pour le premier jour du deuxième mois, et ils furent enregistrés selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant par tête les noms, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, celui-ci en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms par tête, tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu de Ruben furent 46 500. Fils de Siméon, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale. Leurs recensés, en comptant les noms par tête, tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu de Siméon furent 59 300. Fils de Gad, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu de Gad furent 45 650. Fils de Judas, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu de Judas furent 74 600. Fils d'Issachar, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu d'Issachar furent 54 400. Fils de Zabulon, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu de Zabulon furent 57 400. Fils de Joseph, fils d'Éphraïm, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu d'Éphraïm furent 40 500. Fils de Manassé, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu de Manassé furent 32 200. Fils de Benjamin, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu de Benjamin furent 35 400. Fils de Dan, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms depuis 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu de Dan furent 62 700. Fils d'Azer, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms depuis 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu d'Azer furent 41 500. Fils de Nephtali, leurs descendants selon leur famille, selon leur maison patriarcale, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes en état de porter les armes. Les recensés de la tribu de Nephtali furent 53 400. Tels sont ceux qui furent recensés, que recensèrent Moïse et Aaron, avec les princes d'Israël, au nombre de 12. Un homme pour chacune de leurs maisons patriarcales. Tous les enfants d'Israël dont on fit le recensement, selon leur maison patriarcale, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous les hommes d'Israël en état de porter les armes, tous les recensés, furent 603 550. Les Lévites, selon leur tribu patriarcale, ne furent pas recensés avec eux. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Tu ne feras pas le recensement de la tribu de Lévi, et tu n'en réuniras pas le compte avec celui des enfants d'Israël. Remets à leur soin la demeure du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront la demeure et tous ses ustensiles. Ils en feront le service, et ils camperont autour de la demeure. Quand la demeure partira, les Lévites la démonteront. Quand la demeure campera, les Lévites la dresseront. Et l'étranger qui s'en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leurs troupes. Mais les Lévites camperont autour de la demeure du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde de la demeure du témoignage. Les enfants d'Israël agirent selon tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. Chapitre 2. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de leur maison patriarcale. Ils camperont vis-à-vis de la tente de réunion, tout autour. À l'avant, vers l'orient, campera la bannière du camp de Juda avec ses troupes. Le prince des fils de Juda est Naasson, fils d'Aminadab, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 74 600 hommes. À ses côtés campera la tribu d'Isachar. Le prince des fils d'Isachar est Nathanaël, fils de Suar, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 54 400 hommes. Puis la tribu de Zabulon. Le prince des fils de Zabulon est Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 57 400 hommes. Total pour le camp de Juda, d'après les hommes recensés, 186 400 hommes, selon leurs troupes. Ils se mettront en marche les premiers. Au midi, la bannière du camp de Ruben, avec ses troupes. Le prince des fils de Ruben est Élisur, fils de Sédéur, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 46 500 hommes. À ses côtés campera la tribu de Siméon. Le prince des fils de Siméon est Salamiel, fils de Surisadaï, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 59 300 hommes. Puis la tribu de Gad. Le chef des fils de Gad est Eliasaph, fils de Duel, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 45 650 hommes. Total pour le camp de Ruben, d'après les hommes recensés, 151 450 hommes, selon leurs troupes. Ils se mettront en marche les seconds. Ensuite s'avancera la tente de réunion, le camp des Lévites au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre de leur campement, chacun à son rang, selon sa bannière. À l'occident, la bannière d'Éphraïm avec ses troupes. Le prince des fils d'Éphraïm est Elisama, fils d'Amiud, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 40 500 hommes. À ses côtés campera la tribu de Manassé. Le prince des fils de Manassé est Gamaliel, fils de Phadassur, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 32 200 hommes. Puis la tribu de Benjamin. Le prince des fils de Benjamin est Abidan, fils de Gédéon, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 35 400 hommes. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après les hommes recensés, 108 100 hommes, selon leurs troupes. Ils se mettront en marche les troisièmes. Au nord, la bannière du camp de Dan, avec ses troupes. Le prince des fils de Dan est Ahiézer, fils d'Amisadaï, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 62 700 hommes. À ses côtés campera la tribu d'Azer. Le prince des fils d'Azer est Phégiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 41 500 hommes. Puis la tribu de Nephtali. Le prince des fils de Nephtali est Ahira, fils d'Enan, et son corps d'armée, d'après les hommes recensés, est de 53 400 hommes. Total pour le camp de Dan, d'après les hommes recensés, 157 600 hommes. Ils se mettront en marche les derniers, selon leur bannière. Tels furent les enfants d'Israël inscrits au recensement selon leur maison patriarcale. Total pour tous les hommes recensés, répartis en divers camps selon leurs troupes d'armée, 603 550 hommes. Les Lévites ne furent pas compris dans le recensement avec les enfants d'Israël, suivant que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Et les enfants d'Israël agirent selon tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leur bannière, et ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon sa maison patriarcale. Chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où le Seigneur parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, Abiu, Éléazar et Ithamar. Tels sont les noms des fils d'Aaron, des prêtres ayant reçu l'onction, installés pour exercer le sacerdoce. Nadab et Abiu moururent devant le Seigneur, lorsqu'ils apportèrent devant le Seigneur du feu étranger, dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant Aaron, le prêtre, pour qu'elle soit à son service. Ils auront la charge de tout ce qui est commis à sa charge et à la charge de toute l'assemblée, devant la tente de réunion, faisant ainsi le service de la demeure. Ils seront chargés de tous les ustensiles de la tente de réunion et de ce qui est commis à la charge des enfants d'Israël. Ils feront ainsi le service de la demeure. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés d'entre les enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour accomplir les fonctions de leur sacerdoce. L'étranger qui approchera du sanctuaire sera puni de mort. » Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël, à la place de tout premier-né qui ouvre le sein de sa mère parmi les enfants d'Israël, et les Lévites sont à moi. Car tout premier-né est à moi. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tout premier-né en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils sont à moi. Je suis le Seigneur. » Le Seigneur parla à Moïse dans le désert de Sinaï en disant: « Fais le recensement des enfants de Lévi selon leur maison patriarcale, selon leur famille. Tu feras le recensement de tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus. » Moïse fit le recensement sur l'ordre du Seigneur, selon qu'il lui avait été commandé. Voici les fils de Lévi, d'après leurs noms: Gerson, Kahat et Merari. Voici les noms des fils de Gerson, selon leur famille: Lebni et Séméi. Fils de Kahat, selon leur famille: Amram, Jézar, Hébron et Oziel. Fils de Merari, selon leur famille: Moholi et Musi. Ce sont là les familles de Lévi selon leur maison patriarcale. De Gerson viennent la famille de Lebni et la famille de Séméi. Ce sont les familles des Gersonites. Leurs recensés, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, leurs recensés furent 7 500. Les familles des Gersonites campaient derrière la demeure, à l'occident. Le prince de la maison patriarcale des Gersonites était Éliasaph, fils de Laël. En ce qui concerne la tente de réunion, les fils de Gerson avaient la charge de la demeure et de la tente, de sa couverture, du rideau qui est à l'entrée de la tente de réunion, des tentures du parvis et du rideau de l'entrée du parvis, tout autour de la demeure et de l'autel, et de ses cordages pour tout son service. De Kahat viennent la famille des Amramites, la famille des Jézaharites, la famille des Hébronites et la famille des Osiélites. Ce sont là les familles des Kahatites. En comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, on en trouva 8 600, chargés de la garde du sanctuaire. Les familles des fils de Kahat campaient au côté méridional de la demeure. Le prince de la maison patriarcale des familles des Kahatites était Élisaphan, fils d'Oziel. On confia à leur garde l'arche, la table de proposition, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui se rapporte à son service. Le prince des Lévites était Éléazar, fils du prêtre Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés de la garde du sanctuaire. De Merari viennent les familles des Moholites et la famille des Musites. Ce sont là les familles des Mérarites. Leurs recensés, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 6 200. Le prince de la maison patriarcale des familles de Merari était Suriel, fils d'Abihaïel. Il campait au côté septentrional de la demeure. Les fils de Merari eurent le soin et la garde des ais de la demeure, de ses traverses, de ses colonnes et de leurs socles, de tous ses ustensiles et de tout son service, des colonnes du parvis tout autour, de leurs socles, de leurs pieux et de leurs cordages. En face de la demeure, à l'orient, devant la tente de réunion, au levant, campaient Moïse, Aaron et ses fils. Ils avaient la garde du sanctuaire, pour ce qui était remis à la garde des enfants d'Israël. L'étranger qui s'en approcherait devait être puni de mort. Total des Lévites recensés, dont Moïse fit le recensement sur l'ordre du Seigneur, selon leur famille, de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, 22 000. Le Seigneur dit à Moïse: « Fais le recensement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et fais le compte de leurs noms. Tu prendras les Lévites pour moi. Je suis le Seigneur. À la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. » Moïse fit le recensement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Tous les premiers-nés mâles, comptés par leur nom, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, dont on fit le recensement, furent 22 273. Le Seigneur parla à Moïse en disant: Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites seront à moi. Je suis le Seigneur. Pour le rachat des 273 d'entre les premiers-nés des enfants d'Israël qui dépassent le nombre des Lévites, tu prendras 5 sicles par tête. Tu les prendras selon le sicle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des premiers-nés rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 sicles, selon le sicle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, sur l'ordre du Seigneur, selon que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Chapitre 4. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron en disant: Compte les fils de Kahath parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon leur maison patriarcale, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui ont à faire le service, à remplir quelque fonction dans la tente de réunion. Voici quel sera le service des fils de Kahath dans la tente de réunion. Il portera sur les objets très saints. Quand on lèvera le camp, Aaron et ses fils viendront descendre le voile, et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de veau marin, et ils étendront par-dessus un drap tout entier de pourpre violette. Puis ils placeront les barres de l'arche. Ils étendront un drap de pourpre violette sur la table des pains de proposition. Et ils mettront dessus les plats, les calices, les patères et les coupes pour les libations. Le pain perpétuel sera sur elles. Ils étendront par-dessus un drap de cramoisi, qu'ils envelopperont d'une couverture de peau de veau marin. Et ils placeront les barres de la table. Ils prendront un drap de pourpre violette, et ils en couvriront le chandelier, ainsi que ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à huile, nécessaires pour son service. Puis, l'ayant mis, avec tous ses ustensiles, dans une couverture de peau de veau marin, ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap de pourpre violette sur l'autel d'or, et, après l'avoir enveloppé d'une couverture de peau de veau marin, ils y mettront les barres. Ils prendront tous les ustensiles en usage pour le service dans le sanctuaire, et les ayant mis dans un drap de pourpre violette, ils les envelopperont d'une couverture de peau de veau marin, et les placeront sur le brancard. Ils ôteront les cendres de l'autel, et ils étendront par-dessus un drap de pourpre écarlate. Ils mettront dessus tous les ustensiles nécessaires à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel et, ayant étendu sur le tout une couverture de peau de veau marin, ils y mettront les barres. Quand Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, et qu'on lèvera le camp, les fils de Kahath viendront les emporter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Voilà ce qu'auront à porter les fils de Kahath dans la tente de réunion. Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'oblation perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura la surveillance de toute la demeure et de tout ce qu'elle contient, du sanctuaire et de tous ses ustensiles. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron en disant: Prenez garde de faire retrancher la tribu des familles des Kahathites du milieu des Lévites. Agissez ainsi à leur égard, afin qu'ils vivent et ne meurent point, quand ils s'approcheront des objets très saints. Aaron et ses fils viendront, et ils assigneront à chacun d'eux son service et ce qu'il a à porter. Et les Lévites n'entreront point pour voir un seul instant les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Le Seigneur parla à Moïse en disant: Compte aussi les fils de Gerson d'après leur maison patriarcale, d'après leur famille. Tu feras le recensement, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, de tous ceux qui ont à faire le service, à remplir quelques fonctions dans la tente de réunion. Voici le service des familles des Gersonites, ce qu'ils auront à faire et à porter. Ils porteront les tentures de la demeure et la tente de réunion, sa couverture et la couverture de peau de veau marin qui se met par-dessus, le rideau qui est à l'entrée de la tente de réunion, les tentures du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour de la demeure et de l'autel, leur cordage et tous les ustensiles à leur usage. Et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Tout le service des fils des Gersonites sera sous les ordres d'Aaron et de ses fils, pour tout ce qu'ils auront à porter et pour tout ce qu'ils auront à faire. Vous remettrez à leur garde toutes les choses qu'ils ont à porter. Tel est le service des familles des fils des Gersonites à l'égard de la tente de réunion. Ils exerceront leur charge sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre. Tu feras le recensement des fils de Merari selon leur famille, selon leur maison patriarcale. Tu les recenseras depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui ont à faire le service, à remplir quelque fonction dans la tente de réunion. Voici ce qui sera remis à leur charge, ce qu'ils auront à porter selon tout leur service dans la tente de réunion. Les ais de la demeure, ses traverses, ses colonnes, ses socles. Les colonnes du parvis qui l'entourent, leurs socles, leurs pieux, leurs cordages, tous leurs ustensiles et tout ce qui se rapporte à leur service. Vous ferez l'inventaire par leur nom des objets qui leur ont été confiés pour les porter. Tel est le service des familles des fils de Merari, tout leur service à l'égard de la tente de réunion, sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre. Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée firent le recensement des fils des Kahatites selon leur famille et selon leur maison patriarcale, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui avaient à faire le service, à remplir quelques fonctions dans la tente de réunion. Les recensés, selon leur famille, furent 2750. Ce furent là les recensés des familles des Kahatites, tous ceux qui remplissaient un service dans la tente de réunion. Moïse et Aaron en firent le recensement selon l'ordre du Seigneur, par l'organe de Moïse. Les recensés des fils de Gerson, selon leur famille et selon leur maison patriarcale, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui avaient à faire le service, à remplir quelques fonctions dans la tente de réunion. Les recensés selon leur famille, selon leur maison patriarcale, furent 2630. Ce furent là les recensés des familles des fils de Gerson, tous ceux qui remplissaient un service dans la tente de réunion. Moïse et Aaron en firent le recensement sur l'ordre du Seigneur. Les recensés des familles des fils de Merari, selon leur famille, selon leur maison patriarcale, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui avaient à faire le service, à remplir quelques fonctions dans la tente de réunion. Les recensés, selon leur famille, furent 3200. Ce furent là les recensés des familles des fils de Merari. Moïse et Aaron en firent le recensement sur l'ordre du Seigneur, par l'organe de Moïse. Tous les recensés des Lévites, dont Moïse, Aaron et les princes d'Israël firent le recensement, selon leur famille et selon leur maison patriarcale, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui avaient à remplir quelques fonctions dans le service et le transport, à l'égard de la tente de réunion, tous les recensés furent 8580. On en fit le recensement selon l'ordre du Seigneur, par l'organe de Moïse, en assignant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter. C'est ainsi qu'ils furent recensés, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Chapitre 5. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Ordonne aux enfants d'Israël de faire sortir du camp quiconque a la lèpre et quiconque a une gonorrhée, et quiconque est souillé par un cadavre. Homme ou femme, vous les ferez sortir du camp, afin qu'ils ne souillent pas leur camp, au milieu duquel j'habite. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les firent sortir hors du camp, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Dis aux enfants d'Israël, si quelqu'un, homme ou femme, commet quelqu'un de tous les péchés qui causent un préjudice au prochain, en se rendant infidèle envers le Seigneur, et qu'il se soit rendu coupable, il confessera son péché, et il restituera en son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Si celui-ci n'a pas de représentant à qui puisse être rendu l'objet du délit, cet objet revient au Seigneur, au prêtre, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande prélevée sur les choses saintes que les enfants d'Israël présentent au prêtre appartiendra à celui-ci. Les choses que tout homme aura consacrées seront à lui. Ce que chacun donne au prêtre lui appartiendra. Le Seigneur parla à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Si une femme mariée se détourne et devient infidèle à son mari, un autre homme ayant eu commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, cette femme s'étant souillée en secret, sans qu'il y ait eu de témoin contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait, si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et qu'il soit jaloux de sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et qu'il soit jaloux de sa femme qui ne s'est pas souillée, cet homme amènera sa femme au prêtre et il apportera une offrande à cause d'elle, un dixième d'épha de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une oblation de jalousie, une oblation de souvenir, qui rappelle une prévarication. Le prêtre la fera approcher de l'autel et se tenir debout devant le Seigneur. Le prêtre prendra de l'eau sainte dans un vase de terre et, ayant pris de la poussière sur le sol de la demeure, il la mettra dans l'eau. Le prêtre fera tenir la femme debout devant le Seigneur. Il dénouera la chevelure de la tête de la femme et lui posera sur les mains l'oblation de souvenir. C'est une oblation de jalousie. Le prêtre aura dans la main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le prêtre adjurera la femme et lui dira « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si tu ne t'es pas détourné pour te souiller, étant sous la puissance de ton mari, sois préservé de l'effet de ces eaux amères qui apportent la malédiction. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'es détourné et tu t'es souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, le prêtre adjurera la femme par le serment d'imprécation et lui dira « Que le Seigneur fasse de toi une malédiction et une exécration au milieu de ton peuple, en faisant maigrir tes flancs et enfler ton ventre, et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et maigrir les flancs. » Et la femme dira « Amen, Amen ». Le prêtre écrira ses imprécations sur un rouleau, et il les effacera ensuite dans les eaux amères. Puis il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction. Et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour lui être amères. Le prêtre, ayant pris des mains de la femme l'oblation de jalousie, la balancera devant le Seigneur, et l'approchera de l'autel. Il prendra une poignée de cette oblation comme mémorial, et il la fera fumer sur l'autel. Et après cela, il fera boire les eaux à la femme. Quand il lui fera boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour lui être amères. Son ventre s'enflera, ses flancs maigriront, et cette femme sera une malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas souillée et qu'elle soit pure, elle sera préservée, et elle aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, quand une femme, étant sous la puissance de son mari, se détourne et se souille, ou quand l'esprit de jalousie s'empare d'un mari et qu'il devient jaloux de sa femme. Il fera tenir sa femme debout devant le Seigneur, et le prêtre lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera son iniquité. Chapitre 6. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Lorsqu'un homme ou une femme se sépare par un vœu de Nazaréen, pour se séparer en l'honneur du Seigneur, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucun jus de raisin. Il ne mangera ni raisin frais, ni raisin sec. Pendant tout le temps de son nazaréat, il ne mangera d'aucun produit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps du vœu de son nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour la durée desquels il se sépare en l'honneur du Seigneur. Il sera saint, laissant croître librement ses cheveux. Tout le temps pendant lequel il se sépare en l'honneur du Seigneur, il ne s'approchera d'aucun corps mort. Il ne se souillera ni pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère ou sa sœur à leur mort, car il porte sur sa tête la consécration à son Dieu. Tout le temps de son nazaréat, il est consacré au Seigneur. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée soit ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification. Il la rasera le septième jour. Et le huitième jour, il apportera au prêtre deux tourterelles ou deux jeunes pigeons à l'entrée de la tente de réunion. Le prêtre offrira l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste, et il fera pour lui l'expiation pour son péché à l'occasion du mort. Ce jour-là, le Nazaréen consacrera sa tête. Il consacrera de nouveau au Seigneur les jours de son nazaréat, et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de réparation. Les jours précédents sont nuls, parce que son nazaréat a été souillé. Voici la loi du Nazaréen. Le jour où il aura accompli le temps de son nazaréat, on le fera venir à l'entrée de la tente de réunion. Il présentera son offrande au Seigneur. Un agneau d'un an, sans défaut, pour l'holocauste. Une brebis d'un an, sans défaut, pour le sacrifice pour le péché. Un bélier sans défaut pour le sacrifice pacifique, ainsi qu'une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétris à l'huile, et de galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'oblation et les libations ordinaires. Le prêtre les présentera devant le Seigneur, et il offrira son sacrifice pour le péché et son holocauste. Puis il offrira le bélier en sacrifice pacifique au Seigneur, avec la corbeille de pain sans levain. Le prêtre fera son oblation et sa libation. Le Nazaréen rasera, à l'entrée de la tente de réunion, sa tête consacrée. Et prenant les cheveux de sa tête consacrée, il les mettra sur le feu qui est sous la victime du sacrifice pacifique. Le prêtre prendra l'épaule du bélier quand elle sera cuite, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Et, les ayant posés sur les mains du Nazaréen, après que celui-ci aura rasé sa tête consacrée, le prêtre les balancera devant le Seigneur. C'est une chose sainte qui appartient au prêtre, outre la poitrine balancée et la cuisse prélevée. Après cela, le Nazaréen pourra boire du vin. Telle est la loi du Nazaréen qui a fait un vœu. Telle est son offrande au Seigneur pour son nazaréat, outre ce que ses moyens lui permettront de faire. Selon le vœu qu'il aura fait, ainsi il agira d'après la loi de son nazaréat. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Parle à Aaron et à ses fils en disant : Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz : Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Chapitre 7. Le jour où Moïse acheva de dresser la demeure, de l'oindre et de la sanctifier avec tous ses ustensiles, ainsi que l'autel avec tous ses ustensiles, lorsqu'il les eut oints et sanctifiés, les princes d'Israël, chefs de leur maison patriarcale, présentèrent leurs offrandes. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant le Seigneur. 6 chars couverts et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et 1 bœuf pour chaque prince. Et ils les présentèrent devant la demeure. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Reçois de ces choses, et qu'elles soient employées pour le service de la tente de réunion. Tu les donneras aux Lévites, à chacun selon les besoins de son service. » Moïse, ayant pris les chars et les bœufs, les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gerson, selon les besoins de leur service. Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari, selon les besoins de leur service, sous la surveillance d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre. Mais il n'en donna pas aux fils de Kahath, parce que, ayant le service des objets sacrés, ils devaient les porter sur leurs épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on l'oignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. Et le Seigneur dit à Moïse, que chaque jour un prince vienne présenter son offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Naasson, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit 1 plat d'argent du poids de 130 sicles, 1 coupe d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, 1 et l'autre plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'oblation. 1 godet d'or de 10 sicles, plein de parfum. 1 jeune taureau, 1 bélier et 1 agneau d'un an pour l'holocauste. 1 bouc pour le sacrifice pour le péché. Et, pour le sacrifice pacifique, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Naasson, fils d'Aminadab. Le second jour, Nathanaël, fils de Suar, prince de la tribu d'Isachar, présenta son offrande. Il offrit 1 plat d'argent du poids de 130 sicles, 1 coupe d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, 1 et l'autre plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'oblation, 1 godet d'or de 10 sicles, plein de parfum, 1 jeune taureau, 1 bélier et 1 agneau d'un an pour l'holocauste, 1 bouc pour le sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice pacifique, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nathanaël, fils de Suar. Le 3e jour vint le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Hélon. Il offrit 1 plat d'argent du poids de 130 sicles et 1 coupe d'argent de 70 sicles, selon le cycle du sanctuaire, 1 et l'autre plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'oblation, 1 godet d'or de 10 sicles plein de parfum, 1 jeune taureau, 1 bélier et 1 agneau d'un an pour l'holocauste, 1 bouc pour le sacrifice pour le péché et pour le sacrifice pacifique, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Éliab, fils de Hélon. Le 4e jour vint le prince des fils de Ruben, Élissur, fils de Sédéur. Il offrit 1 plat d'argent du poids de 130 sicles et 1 coupe d'argent de 70 sicles, selon le cycle du sanctuaire, 1 et l'autre plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'oblation, 1 godet d'or de 10 sicles plein de parfum, 1 jeune taureau,

Le 11e jour vint le prince des fils d'Azer, Phégiel, fils d'Ocran. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles et une coupe d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire. L'un et l'autre plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'oblation. Un godet d'or de 10 sicles plein de parfums. Un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste. Un bouc pour le sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice pacifique, deux bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Phégiel, fils d'Ocran. Le 12e jour vint le prince des fils de Nephtali, Ahira, fils d'Enan. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 sicles et une coupe d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, l'un et l'autre plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'oblation, un godet d'or de 10 sicles plein de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice pour le péché, et, pour le sacrifice pacifique, deux bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ahira, fils d'Enan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour où on l'oignit. 12 plats d'argent, 12 coupes d'argent et 12 godets d'or. Chaque plat d'argent pesait 130 sicles et chaque coupe 70. Total de l'argent de ces ustensiles, 2400 sicles, selon le sicle du sanctuaire. Les 12 godets d'or pleins de parfums, chacun de 10 sicles, selon le sicle du sanctuaire. Total de l'or des godets, 120 sicles. Total des animaux pour l'holocauste. 12 jeunes taureaux, 12 béliers et 12 agneaux d'un an, avec leurs oblations. 12 boucs pour le sacrifice pour le péché. Total des animaux pour le sacrifice pacifique, 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs et 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons offerts pour la dédicace de l'autel, après qu'on l'eut oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente de réunion pour parler avec le Seigneur, il entendait la voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il lui parlait. Chapitre 8. Le Seigneur parla à Moïse en disant « Parle à Aaron, et tu lui diras. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, c'est sur le devant du chandelier que les 7 lampes donneront leur lumière. » Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était fait d'or battu. Jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse l'avait fait selon le modèle que le Seigneur lui avait montré. Le Seigneur parla à Moïse en disant « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils passent le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient ainsi. » Ils prendront ensuite un jeune taureau pour l'holocauste, avec son oblation de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un second jeune taureau pour le sacrifice pour le péché. Tu feras approcher les Lévites devant la tente de réunion, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant le Seigneur, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron offrira les Lévites en offrande balancée devant le Seigneur, de la part des enfants d'Israël, afin qu'ils soient pour faire le service du Seigneur. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice pour le péché, l'autre en holocauste au Seigneur, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu les offriras en offrande balancée au Seigneur. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites seront à moi. Après quoi, les Lévites viendront faire le service dans la tente de réunion. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les offriras en offrande balancée. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place de tout premier-né, ouvrant le sein de sa mère, de tout premier-né des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël est à moi, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et j'ai donné entièrement les Lévites à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour faire le service des enfants d'Israël dans la tente de réunion, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, afin que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie quand ils s'approcheront du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les offrit en offrande balancée devant le Seigneur, et il fit l'expiation pour eux, afin de les purifier. Après quoi, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente de réunion, en présence d'Aaron et de ses fils. Selon ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse touchant les Lévites, ainsi fit-on à leur égard. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Voici ce qui concerne les Lévites. À partir de 25 ans et au-dessus, le Lévite entrera au service de la tente de réunion pour y exercer une fonction. À partir de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères, dans la tente de réunion, à garder ce qui doit être observé. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites au sujet de leurs fonctions. Chapitre 9. Le Seigneur parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la deuxième année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit : Que les enfants d'Israël fassent la Pâque au temps fixé. Vous la ferez au temps fixé, le 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. C'est le temps fixé. Vous la ferez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui la concernent. Moïse parla donc aux enfants d'Israël, afin qu'ils fissent la Pâque. Et ils firent la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Selon tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Il y eut des hommes qui se trouvaient impurs à cause d'un cadavre et qui ne purent faire la Pâque ce jour-là. S'étant présentés le jour même devant Moïse et Aaron, ils dirent à Moïse : Nous sommes impurs à cause d'un cadavre. Pourquoi serions-nous privés de présenter l'offrande du Seigneur, au temps fixé, au milieu des enfants d'Israël ? Moïse leur répondit : Attendez que j'apprenne ce que le Seigneur vous ordonnera. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Si quelqu'un, parmi vous ou parmi vos descendants, se trouve impur à cause d'un cadavre ou est en voyage au loin, il fera la Pâque en l'honneur du Seigneur. C'est au second mois qu'ils la feront, le 14e jour, entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront point les os. Ils la célébreront selon toutes les prescriptions relatives à la Pâque. Si quelqu'un, étant pur et n'étant pas en voyage, omet de faire la Pâque, il sera retranché de son peuple. Parce qu'il n'a pas présenté l'offrande du Seigneur au temps fixé, il portera son péché. Si un étranger séjournant chez vous fait la Pâque du Seigneur, il observera les lois et ordonnances concernant la Pâque. Il y aura une même loi pour vous, pour l'étranger comme pour l'indigène. Le jour où la demeure fut dressée, la nuée couvrit la demeure, qui est la tente du témoignage. Depuis le soir jusqu'au matin, il y eut sur la demeure comme l'apparence d'un feu. Il en fut ainsi continuellement. La nuée couvrait la demeure, et la nuit elle avait l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël levaient le camp, et, à l'endroit où la nuée s'arrêtait, ils dressaient le camp. Au commandement du Seigneur, les enfants d'Israël levaient le camp, et au commandement du Seigneur, ils le dressaient. Ils restaient campés tant que la nuée se reposait sur la demeure. Quand la nuée restait longtemps sur la demeure, les enfants d'Israël observaient le commandement du Seigneur et ne levaient pas le camp. Il en était de même quand la nuée ne s'arrêtait que peu de jours sur la demeure. Au commandement du Seigneur, ils dressaient le camp, et au commandement du Seigneur, ils le levaient. Si la nuée se reposait seulement du soir au matin, et s'élevait le matin, ils levaient le camp. Ou, si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils levaient le camp. Si la nuée s'arrêtait sur la demeure plusieurs jours, un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne levaient point le camp. Mais, dès qu'elle s'élevait, ils levaient le camp. Au commandement du Seigneur, ils dressaient le camp, et au commandement du Seigneur, ils levaient le camp. Ils observaient le commandement du Seigneur, conformément à l'ordre du Seigneur transmis par Moïse. Chapitre 10. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour la levée des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente de réunion. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes seulement, les chefs des milliers d'Israël, se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient se mettront en marche. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi se mettront en marche. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais non avec éclat. Les fils d'Aaron, les prêtres, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Quand vous irez à la guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaquera, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez rappelés au souvenir du Seigneur, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices pacifiques, et elles seront pour vous un mémorial devant votre Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. La seconde année, au 20e jour du 2e mois, la nuée s'éleva de dessus la demeure du témoignage, et les enfants d'Israël, reprenant leur marche, partirent du désert de Sinaï, et la nuée s'arrêta dans le désert de Pharan. Ils se mirent en marche pour la première fois, suivant le commandement du Seigneur par l'organe de Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première, selon leurs troupes, et la troupe de Juda était commandée par Naasson, fils d'Aminadab. La troupe de la tribu des fils d'Isachar était commandée par Nathanaël, fils de Suar, et la troupe de la tribu des fils de Zabulon était commandée par Eliab, fils de Hélon. La demeure fut démontée, et les fils de Gerson et les fils de Merari partirent, portant la demeure. La bannière du camp de Ruben partit, selon leur troupe, et la troupe de Ruben était commandée par Élisur, fils de Sédéur. La troupe de la tribu des fils de Siméon était commandée par Salamiel, fils de Surisadaï, et la troupe de la tribu des fils de Gad était commandée par Eliasaph, fils de Duel. Les Kaatites partirent portant les objets sacrés, et les autres dressaient la demeure, en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit, selon leur troupe, et la troupe d'Éphraïm était commandée par Elisama, fils d'Amiud. La troupe de la tribu des fils de Manassé était commandée par Gamaliel, fils de Phadassur. Et la troupe de la tribu de Benjamin était commandée par Abidan, fils de Gédéon. La bannière du camp des fils de Dan partit, selon leurs troupes. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. La troupe de Dan était commandée par Ahiézer, fils d'Amisadaï. La troupe de la tribu des fils d'Azer était commandée par Phégiel, fils d'Ocran. Et la troupe des fils de Nephtali était commandée par Ahira, fils d'Enan. Tel était l'ordre de marche des enfants d'Israël, selon leurs troupes. Et ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Raguel, le Madianite, beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont le Seigneur a dit, « Je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car le Seigneur a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je n'irai point, mais je m'en irai dans mon pays et ma famille. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie. Puisque tu connais les lieux où nous aurons à camper dans le désert, tu nous serviras d'œil. Si tu viens avec nous, nous te ferons partager le bien que le Seigneur nous fera. » Étant partis de la montagne du Seigneur, ils firent 3 journées de marche. Et, pendant ces 3 journées de marche, l'arche de l'Alliance du Seigneur s'avança devant eux pour leur chercher un lieu de repos. La nuée du Seigneur était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand elle s'arrêtait, il disait, « Reviens, Seigneur, vers les myriades des milliers d'Israël. » Chapitre 11. Le peuple se mit à murmurer du mal aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur l'entendit, et sa colère s'enflamma. Et le feu du Seigneur s'alluma contre eux, et ils dévoraient à l'extrémité du camp. Le peuple cria vers Moïse, et Moïse pria le Seigneur, et le feu s'éteignit. On donna à ce lieu le nom de Tabeéra, parce que le feu du Seigneur s'était allumé contre eux. Le ramas de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël s'enflamma de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Il nous souvient des poissons que nous mangions pour rien en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. » La manne était semblable à la graine de coriandre et avait l'aspect du bdellium. Le peuple se répandait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait pendant la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait dans chaque famille, chacun à l'entrée de sa tente. La colère du Seigneur s'enflamma grandement. Moïse fut attristé, et il dit au Seigneur, « Pourquoi avez-vous fait ce mal à votre serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à vos yeux que vous ayez mis sur moi la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté, pour que vous me disiez, « Porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant qu'on allaite, jusqu'au pays que vous avez juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple ? Car ils pleurent autour de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop pesant pour moi. Pour me traiter ainsi, tuez-moi plutôt, je vous prie. » Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, et que je ne vois pas mon malheur. » Le Seigneur dit à Moïse, « Assemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël, que tu connais pour être anciens du peuple et préposés sur lui. Amène-les à la tente de réunion, et qu'ils se tiennent là avec toi. Je descendrai et je te parlerai là. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux. » Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et tu ne la porteras plus toi seul. Tu diras au peuple, « Sanctifiez-vous pour demain, et vous aurez de la viande à manger, puisque vous avez pleuré aux oreilles du Seigneur en disant, « Qui nous fera manger de la viande ? Car nous étions bien en Égypte. » Et le Seigneur vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Ce n'est pas un jour que vous en mangerez, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et qu'elle vous soit en dégoût, parce que vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moïse dit, « Le peuple au milieu duquel je suis est de 600 000 hommes de pied, et vous dites, « Je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. » Égorgera-t-on pour eux les brebis et les bœufs pour qu'ils en aient assez? Ou leur ramassera-t-on tous les poissons de la mer pour qu'ils en aient assez? Le Seigneur répondit à Moïse, « La main du Seigneur est-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit t'arrivera ou non. » Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles du Seigneur, et il assembla 70 hommes des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et, dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Deux hommes, l'un nommé Eldad et l'autre Médad, étaient restés dans le camp, et l'esprit reposa aussi sur eux. Ils étaient parmi les inscrits, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse en disant, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Aussitôt Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prenant la parole, dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit, « Es-tu donc jaloux pour moi ? Plût à Dieu que tout le peuple du Seigneur fût prophète et que le Seigneur mit son esprit sur eux. » Et Moïse se retira dans le camp, lui et les anciens d'Israël. Un vent souffla de par l'ordre du Seigneur, qui, de la mer, amena des cailles et les abattit sur le camp, sur l'étendue d'environ une journée de chemin d'un côté, d'environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Et il y en avait près de deux coudées de haut sur la surface de la terre. Pendant tout ce jour, toute la nuit et toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa l'écaille. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 gomores. Et ils les étendirent pour eux tout autour du camp. Mais la chair était encore entre leurs dents avant d'être consommée, que la colère du Seigneur s'enflamma contre le peuple. Et le Seigneur frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hataava, parce qu'on y enterra le peuple qui s'était enflammé de convoitise. De Kibroth Hataava, le peuple partit pour Hazeroth, et il s'arrêta à Hazeroth. Chapitre 12. Marie, avec Aaron, parla contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que le Seigneur a parlé ? N'a-t-il pas parlé aussi par nous ?» Et le Seigneur l'entendit. Mais Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui fût sur la face de la terre. Soudain, le Seigneur dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Sortez, vous trois, vers la tente de réunion. » Et ils sortirent tous les trois. Et le Seigneur descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Si vous avez quelque prophète du Seigneur, c'est en vision que je me révèle à lui. C'est en songe que je lui parle. Tel n'est pas mon serviteur Moïse. Il est reconnu fidèle dans toute ma maison. » Je lui parle bouche à bouche en me faisant voir, et non par énigme, et il contemple la figure du Seigneur. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? Et la colère du Seigneur s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie devint lépreuse, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle était lépreuse. Et Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne mets pas sur nous ce péché que nous avons follement commis, et dont nous sommes coupables. Ah ! Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né qui, en sortant du sein de sa mère, a la chair à demi consumée. » Moïse cria au Seigneur en disant, « Ô Dieu, je vous prie, guérissez-la. » Le Seigneur dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours couverte de honte ? Qu'elle soit séquestrée 7 jours hors du camp, après quoi elle y sera reçue. » Marie fut donc séquestrée 7 jours hors du camp, et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie eût été reçue. Après cela, le peuple partit de Hazéroth, et ils campèrent dans le désert de Pharan. Chapitre 13. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme par chacune des tribus patriarcales, que tous soient des princes parmi eux. » Moïse les envoya du désert de Pharan, selon l'ordre du Seigneur. Tous ces hommes étaient des chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Sammua, fils de Zéchur. Pour la tribu de Siméon, Zaphat, fils de Uri. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphoné. Pour la tribu d'Isachar, Igal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Noun. Pour la tribu de Benjamin, Phalti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Jédiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Sussi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Asser, Stur, fils de Michaël. Pour la tribu de Nephtali, Nahabi, fils de Vapsi. Pour la tribu de Gad, Guel, fils de Machi. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez là par le Négeb, et vous monterez sur la montagne. Vous examinerez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, peu nombreux ou considérable. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le sol, s'il est gras ou maigre. S'il y a des arbres ou non. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Rohob, sur le chemin d'Emath. Ils montèrent dans le Négeb et allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Akiman, Sisaï et Tolmaï, enfants d'Enak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tanis d'Égypte. Arrivés à la vallée d'Escol, ils coupèrent une branche de vigne avec sa grappe de raisin, et ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Au bout de 40 jours, ils revinrent d'explorer le pays. Ils allèrent et se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Pharan. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le récit qu'ils firent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite le pays est puissant, et les villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Enak. Amalek habite la contrée du Négeb. Le Héthéen, le Jébuséen et l'Amoréen habitent dans la montagne, et le Cananéen habite au bord de la mer et le long du Jourdain. » Caleb fit taire le peuple au sujet de Moïse. « Montons, dit-il, emparons-nous du pays, car nous pouvons nous en rendre maîtres. » Mais les hommes qui y étaient montés avec lui dirent « Nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple. Il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu est formé de gens de haute taille, et nous y avons vu les géants, fils d'Enak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi le Seigneur nous fait-il aller dans ce pays pour que nous tombions par l'épée? Nos femmes et nos enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Et ils se dirent les uns aux autres « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphonné, deux de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un excellent pays. Si le Seigneur nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne vous mettez pas en rébellion contre le Seigneur, et ne craignez point les hommes de ce pays, car ils seront pour nous une pâture. Leur abri s'est retiré d'eux, et le Seigneur est avec nous. Ne les craignez point. » Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire du Seigneur apparut sur la tente de réunion, devant tous les enfants d'Israël. Et le Seigneur dit à Moïse, « Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, et je le détruirai, et je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit au Seigneur, « Les Égyptiens ont appris que, par votre puissance, vous avez fait monter ce peuple du milieu d'eux, et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Tous ont appris que vous, le Seigneur, vous êtes au milieu de ce peuple, que vous vous montrez face à face, vous, le Seigneur, que votre nuée se tient sur eux, et que vous marchez devant eux le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si vous faites mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de vous diront « Le Seigneur n'avait pas le pouvoir de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il avait juré de leur donner. C'est pourquoi il les a fait périr dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre grande, comme vous l'avez déclaré en disant « Le Seigneur est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et le péché, mais il ne tient pas le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur ceux de la troisième et de la quatrième génération. Pardonnez l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de votre miséricorde, comme vous avez pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » Et le Seigneur dit : « Je pardonne, selon ta demande. Mais je suis vivant, et la gloire du Seigneur remplira toute la terre. Tous les hommes qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai promis avec serment à leur père. Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, qui a été animé d'un autre esprit et s'est fidèlement attaché à moi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. L'Amalécite et le Cananéen habitent dans la vallée. Demain, retournez-vous et partez pour le désert, sur le chemin de la mer Rouge. » Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron en disant: « Jusque à quand supporterai-je cette méchante assemblée qui murmure contre moi? J'ai entendu les murmures que les enfants d'Israël profèrent contre moi. Dis-leur. « Je suis vivant, dit le Seigneur. Je vous ferai selon que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le recensement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays où j'ai juré de vous établir, à l'exception de Caleb, fils de Jéphonné, et de Josué, fils de Noun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit « Ils deviendront une proie », je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos fils mèneront leurs troupeaux dans le désert pendant 40 ans. Et ils porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient consumés dans le désert. Selon les 40 jours que vous avez mis à explorer le pays, autant de jours, autant d'années. Vous porterez vos iniquités 40 années, et vous saurez ce que c'est que mon éloignement. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Voilà ce que je ferai à cette méchante assemblée qui s'est ameutée contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée, en décriant le pays, ces hommes, qui avaient décrié le pays, moururent frappés d'une plaie devant le Seigneur. Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Jéphonné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés explorer le pays. Moïse rapporta ces paroles à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut en grande désolation. S'étant levés de bon matin, ils montèrent vers le sommet de la montagne en disant: « Nous voici. Nous monterons au lieu dont le Seigneur a parlé, car nous avons péché. » Moïse dit: « Pourquoi transgressez-vous l'ordre du Seigneur? Cela ne vous réussira point. Ne montez pas, car le Seigneur n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car l'Amalécite et le Cananéen sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés du Seigneur. Le Seigneur ne sera pas avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter vers le sommet de la montagne. Mais l'arche de l'alliance du Seigneur et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Alors l'Amalécite et le Cananéen qui habitaient cette montagne descendirent, les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Chapitre 15. Le Seigneur parla à Moïse en disant: « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: quand vous serez entrés dans le pays où vous demeurerez et que je vous donne, et quand vous offrirez au Seigneur un sacrifice fait par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice, pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, afin de produire avec vos bœufs ou vos brebis une agréable odeur au Seigneur, celui qui fera son offrande au Seigneur offrira en oblation 1/10 de fleurs de farine pétrie avec 1/4 de hin d'huile. Tu feras une libation 1/4 de hin de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pacifique pour chaque agneau. Pour un bélier, Tu feras une oblation de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie avec 1/3 de hin d'huile. Et pour la libation, tu offriras 1/3 de hin de vin en offrande d'agréable odeur au Seigneur. Si tu offres un taureau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice, pour l'acquittement d'un vœu ou comme sacrifice pacifique au Seigneur, on offrira, avec le taureau, comme oblation, 3 dixièmes de fleurs de farine pétries avec 1/2 hin d'huile, et tu offriras 1/2 hin de vin pour la libation. C'est un sacrifice fait par le feu, d'une agréable odeur au Seigneur. On fera ainsi pour chaque bœuf, pour chaque bélier, pour chaque agneau ou chevreau. Suivant le nombre de victimes que vous offrirez, vous ferez ainsi pour chacune, selon leur nombre. Tout indigène fera ces choses de cette manière, lorsqu'il offrira un sacrifice par le feu, d'une agréable odeur au Seigneur. Si un étranger séjournant chez vous, un homme quelconque vivant parmi vous de génération en génération, offre un sacrifice par le feu, d'une agréable odeur au Seigneur, il fera comme vous ferez. Il y aura une seule loi pour l'assemblée, pour vous comme pour l'étranger de séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Il en sera de l'étranger comme de vous devant le Seigneur. Il y aura une seule loi et une seule règle pour vous et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous fais entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour le Seigneur. Comme prémisse de votre pâte, vous prélèverez en offrande un gâteau. Vous le prélèverez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Comme prémisse de votre pâte, vous prélèverez une offrande pour le Seigneur, vous et vos descendants. Si vous péchez par erreur en n'observant pas tous ces commandements que le Seigneur a fait connaître à Moïse, tout ce que le Seigneur vous a ordonné par Moïse, depuis le jour où le Seigneur a donné des commandements, et à la suite pour vos générations, si, dis-je, on a péché par erreur sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur au Seigneur, avec son oblation et sa libation, selon le rite prescrit, ainsi qu'un bouc en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné, car c'est un péché commis par erreur. Et ils ont présenté leur offrande, un sacrifice fait par le feu au Seigneur, et leur sacrifice pour le péché devant le Seigneur, à cause du péché qu'ils ont commis par erreur. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger qui séjourne au milieu d'eux, car c'est par erreur que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché par erreur, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le prêtre fera l'expiation devant le Seigneur pour la personne qui a erré en commettant un péché par erreur. L'expiation pour elle étant faite, il lui sera pardonné. Pour l'indigène d'entre les enfants d'Israël et pour l'étranger qui séjourne au milieu d'eux, vous aurez une même loi si quelqu'un agit mal par erreur. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage le Seigneur. Cet homme sera retranché du milieu de son peuple, car il a méprisé la parole du Seigneur et violer son commandement. Cet homme sera retranché, son iniquité sera sur lui. Pendant que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit sous garde, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déterminé. Le Seigneur dit à Moïse : Cet homme sera mis à mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée l'ayant fait sortir du camp, le lapida et il mourut. comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur de se faire, de génération en génération, des glands au coin de leur manteau, et qu'ils mettent au gland de chaque coin un cordon de pourpre violette. Ce sera pour vous un gland, et, en le voyant, vous vous souviendrez de tous les commandements du Seigneur pour les mettre en pratique, et vous n'irez pas après les désirs de votre cœur et de vos yeux, qui vous entraînent dans l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de tous mes commandements et les mettrez en pratique, et vous serez saints à votre Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. » Chapitre 16. Corée, fils d'Isaar, fils de Kahat, fils de Lévi, se fit des partisans avec Dathan et Abiron, fils d'Éliab, et Hon, fils de Phélet, ceux-ci, fils de Ruben. Et ils se soulevèrent en présence de Moïse, ayant avec eux 250 hommes des enfants d'Israël, princes de l'assemblée, appelés au conseil et gens de renom. Ils s'attroupèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et le Seigneur est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée du Seigneur ?» Quand Moïse entendit cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain, le Seigneur fera connaître celui qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Celui qui l'aura choisi, il le fera approcher de lui. Faites ceci, prenez des encensoirs, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu, et jetez dessus du parfum devant le Seigneur. Celui que le Seigneur choisira, c'est lui qui est saint. C'en est assez, enfant de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfant de Lévi. Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait séparé de l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, pour faire le service de la demeure du Seigneur, et pour vous tenir devant l'assemblée pour faire son service. Il t'a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, avec toi, et vous ambitionnez encore le sacerdoce. C'est pour cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre le Seigneur. Et Aaron, qui est-il pour que vous murmuriez contre lui ?» Moïse fit appeler Dathan et Abiron, fils d'Éliab, et ils dirent, « Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez de nous avoir fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, que tu t'ériges en maître sur nous ? Ah, ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as conduits. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne monterons pas. » Moïse, très irrité, dit au Seigneur, « N'ayez point égard à leur oblation. Je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant le Seigneur, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre encensoir, mettez-y du parfum et présentez chacun votre encensoir devant le Seigneur. » 250 encensoirs. Toi aussi et Aaron, vous prendrez chacun votre encensoir. » Ils prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu et y jetèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente de réunion, avec Moïse et Aaron. Corée avait convoqué toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente de réunion. Alors la gloire du Seigneur apparut à toute l'assemblée. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron en disant, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Et ils tombèrent sur leur visage et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. » Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Parle à l'assemblée et dis, « Écartez-vous tout alentour de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiron. » Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiron, et des anciens d'Israël allèrent après lui. Il parla à l'assemblée en disant, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez, enveloppés dans tous leurs péchés. » Ils s'écartèrent tout alentour de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiron. Alors Dathan et Abiron étant sortis se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « Vous connaîtrez à ceci que le Seigneur m'a envoyé pour faire toutes ces œuvres, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme meurent tous les hommes, et si leur sort est celui de tous les hommes, ce n'est pas le Seigneur qui m'a envoyé. Mais si le Seigneur fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche et les engloutit, eux et tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez que ces gens ont méprisé le Seigneur. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs familles, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. Et la terre les recouvrit, et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès du Seigneur et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Chapitre 17. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Dis à Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, de retirer les encensoirs du milieu de l'embrasement et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Des encensoirs de ces gens qui ont péché contre leur propre vie, qu'on fasse des lames étendues pour en recouvrir l'autel des holocaustes, car on les a présentés devant le Seigneur, et ils sont devenus saints. Ils serviront de signe aux enfants d'Israël. » Le prêtre Éléazar prit les encensoirs d'airain qu'avaient présentés les hommes consumés par le feu, et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un mémorial pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger, qui n'est pas de la race d'Aaron, ne s'approche pour offrir du parfum devant le Seigneur, et ne soit comme Corée et comme sa troupe, selon ce que le Seigneur lui avait déclaré par Moïse. Le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple du Seigneur. » Comme l'assemblée s'attroupait contre Moïse et Aaron, ceux-ci se tournèrent vers la tente de réunion. Et voici que la nuée la couvrit, et que la gloire du Seigneur apparut. Moïse et Aaron s'avancèrent devant la tente de réunion, et le Seigneur parla à Moïse en disant, « Éloignez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage, et Moïse dit à Aaron, « Prends l'encensoir, et mets-y du feu de dessus l'autel, jette-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation. » Car la colère est sortie de devant le Seigneur. La plaie commence. Aaron prit l'encensoir, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici que la plaie commençait parmi le peuple. Ayant mis le parfum, il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. 14 700 personnes moururent par cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse, à l'entrée de la tente de réunion, et la plaie était arrêtée. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël, et prends d'eux une verge par chaque maison patriarcale, soit 12 verges de la part de tous leurs princes pour leurs 12 maisons patriarcales. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge par chef de leur maison patriarcale. Tu les déposeras dans la tente de réunion, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon leur maison patriarcale, soit 12 verges, et la verge d'Aaron était au milieu de leurs verges. Moïse déposa les verges devant le Seigneur, dans la tente du témoignage. Le lendemain, Moïse retourna dans la tente du témoignage, et voici que la verge d'Aaron avait fleuri pour la tribu de Lévi. Il y avait poussé des boutons, éclos des fleurs et mûri des amandes. Moïse emporta toutes les verges de devant le Seigneur, vers tous les enfants d'Israël, et ils les virent, et chacun reprit sa verge. Le Seigneur dit à Moïse, « Replace la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures, et qu'ils ne meurent point. » Moïse fit ainsi. Il fit selon l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici que nous périssons. Nous sommes perdus, tous perdus. Quiconque s'approche de la demeure du Seigneur meurt. Nous faudra-t-il donc tous périr ?» Chapitre 18. Le Seigneur dit à Aaron, « Toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez l'iniquité du sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez l'iniquité de votre sacerdoce. Fais aussi approcher avec toi du sanctuaire tes autres frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient adjoints et qu'ils se servent, lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant la tente du témoignage. Ils rempliront ton service et le service de toute la tente, mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront adjoints, et ils rempliront le service de la tente de réunion pour tout le travail de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous remplirez le service du sanctuaire et le service de l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites du milieu des enfants d'Israël. Donnez au Seigneur, ils vous sont remis en don pour faire le travail de la tente de réunion. Toi et tes fils avec toi, vous remplirez votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. Vous ferez ce travail. Comme une fonction en pur don, je vous confère votre sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Le Seigneur dit à Aaron, « Voici, je te donne le service de ce qui est prélevé pour moi, de toutes les choses consacrées des enfants d'Israël. Je te les donne à raison de l'onction que tu as reçue, à toi et à tes fils, par une loi perpétuelle. Voici ce qui te reviendra des choses très saintes, sauf ce que le feu doit consumer. » Toutes leurs offrandes, savoir toutes leurs oblations, tous leurs sacrifices pour le péché et tous leurs sacrifices de réparation qu'ils me rendront. Tout cela, comme chose très sainte, sera pour toi et pour tes fils. Tu les mangeras dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera. Elles seront saintes pour toi. Ceci encore t'appartient. Ce qui est prélevé sur leurs dons, sur toute offrande balancée des enfants d'Israël. Je te le donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque est pur dans ta maison en mangera. Tout le meilleur de l'huile, tout le meilleur du vin nouveau et du blé, leurs prémices qu'ils offrent au Seigneur, je te les donne. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront au Seigneur seront pour toi. quiconque est pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par anathème en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair, des hommes comme des animaux, qu'ils offrent au Seigneur, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Quant à son rachat, tu le feras racheter dès l'âge d'un mois, selon ton estimation, contre 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ils sont saints. Tu répandras leur sang sur l'autel, et tu feras fumer leur graisse. C'est un sacrifice fait par le feu, d'une agréable odeur au Seigneur. Leur chair sera pour toi, comme la poitrine qu'on balance et comme la cuisse droite. Tout ce qui est prélevé sur les choses saintes, ce que les enfants d'Israël prélèvent pour le Seigneur, je te le donne à toi, à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. C'est une alliance de sel, perpétuelle, devant le Seigneur, pour toi et pour ta postérité avec toi. Le Seigneur dit à Aaron, « Tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des enfants d'Israël. Voici que je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le travail qu'ils font, le travail de la tente de réunion. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente de réunion, de peur qu'ils ne portent leur péché et qu'ils meurent. Les Lévites feront le travail de la tente de réunion, et ils porteront leur iniquité. En vertu d'une loi perpétuelle parmi vos descendants, ils n'auront point d'héritage au milieu des enfants d'Israël, car je donne aux Lévites comme héritage les dîmes que les enfants d'Israël prélèveront pour le Seigneur. C'est pourquoi je leur dis, ils n'auront point d'héritage au milieu des enfants d'Israël. » Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras, « Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur bien pour votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour le Seigneur, une dîme de la dîme. Et ce prélèvement que vous ferez vous sera compté comme le blé qu'on prélève de l'aire, et comme le vin nouveau qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez, vous aussi, une offrande pour le Seigneur, sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et cette offrande que vous en aurez prélevée pour le Seigneur, vous la donnerez au prêtre Aaron. Sur tous les dons que vous recevrez, vous prélèverez toute l'offrande du Seigneur. Sur tout le meilleur, la sainte portion qui en est tirée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le produit de l'aire et comme le produit du pressoir. Vous la mangerez en tout lieu, vous et votre famille, car c'est votre salaire pour le travail que vous faites dans la tente de réunion. Vous ne porterez pour cela aucun péché quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les saintes offrandes des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. » Chapitre 19. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron en disant, « Voici l'ordonnance de la loi que le Seigneur a prescrite, en disant, « Dis aux enfants d'Israël de t'amener une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettrez au prêtre Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le prêtre Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il fera 7 fois l'aspersion de ce sang du côté de l'entrée de la tente de réunion. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang, ainsi que ses excréments. Le prêtre prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu du feu qui consume la vache. Le prêtre lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et baignera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, en vue de l'eau qui ôte la souillure. C'est un sacrifice pour le péché. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger qui séjourne au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour, et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui est mort, et qui ne se purifiera pas, souillera la demeure du Seigneur. Cet homme sera retranché d'Israël. Parce que l'eau qui ôte la souillure n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et sa souillure est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme meurt dans une tente, quiconque entre dans la tente et tout ce qui se trouve dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert, sur lequel il n'y a point de couvercle attaché, est impur. Quiconque touche dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. On prendra, pour celui qui est impur, de la cendre de la victime, consumée en sacrifice expiatoire, et l'on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope, et, l'ayant trempé dans l'eau, il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles et sur les personnes qui étaient là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. L'homme pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour, et il lui ôtera son péché le 7e jour. L'homme impur lavera ses vêtements et se baignera dans l'eau, et le soir il sera pur. L'homme qui sera devenu impur, et qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de l'assemblée, car il souille le sanctuaire du Seigneur. Parce que l'eau qui ôte la souillure n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui aura fait l'aspersion de l'eau qui ôte la souillure lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau qui ôte la souillure sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Chapitre 20. Les enfants d'Israël, toute l'assemblée, arrivèrent au désert de Sin dans le 1er mois, et le peuple séjourna à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour l'assemblée, ils s'attroupèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple disputa avec Moïse, et ils dirent : Que n'avons-nous péri quand nos frères périrent devant le Seigneur ? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée du Seigneur dans ce désert, pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni même d'eau à boire. Moïse et Aaron, s'éloignant de l'assemblée, vinrent à l'entrée de la tente de réunion. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Prends le bâton et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez au rocher en leur présence, afin qu'il donne ses eaux, et tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à son bétail. Moïse prit le bâton qui était devant le Seigneur, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Puis Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit : Écoutez donc, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher ? Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher de son bâton. et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, ainsi que le bétail. Alors le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec le Seigneur, et il se sanctifia en eux. » De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons endurées. Nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous maltraitèrent, nous et nos pères. Nous avons crié au Seigneur, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. Et voici que nous sommes à Kadès, ville située à la limite de ton territoire. Laisse-nous, de grâce, traverser ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Mais nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé ton territoire. » Édom lui dit, « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent, « Nous monterons par la grande route, et, si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Ce n'est pas une affaire. Je ne ferai que passer avec mes pieds. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. C'est ainsi qu'Édom refusa de donner passage à Israël sur son territoire, et Israël se détourna de lui. Les enfants d'Israël, toute l'assemblée, partirent de Kadès et arrivèrent à la montagne de Hor. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « À la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar, et fais-les monter sur la montagne de Hor. Tu dépouilleras Aaron de ses vêtements, et tu en feras revêtir Éléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et mourra. » Moïse fit ce que le Seigneur avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Hor, aux yeux de toute l'assemblée. Puis Moïse, ayant dépouillé Aaron de ses vêtements, les fit revêtir à Éléazar, son fils. Et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Et Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Chapitre 21. Le Cananéen, roi d'Arad, qui habitait le Négeb, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il livra bataille à Israël et lui fit des prisonniers. Alors Israël fit un vœu au Seigneur, en disant, « Si vous livrez ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes à l'anathème. » Le Seigneur entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua à l'anathème, eux et leurs villes, et on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour tourner le pays d'Édom. Le peuple perdit patience dans ce chemin, et il parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte, pour que nous mourions dans ce désert ? Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme a pris en dégoût cette misérable nourriture. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur un poteau. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur un poteau. Et, si quelqu'un était mordu par un serpent, il regardait le serpent d'airain et il vivait. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à Jéabarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. Ils partirent de là et campèrent dans la vallée de Zared. Ils partirent de là et campèrent au-delà de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres du Seigneur, « Le Seigneur a pris Vaheb, dans sa course impétueuse, et les torrents de l'Arnon, et la pente des torrents qui s'étend vers le site d'Ar et s'appuie à la frontière de Moab. » De là, ils allèrent à Béer. C'est le puits à propos duquel le Seigneur dit à Moïse, « Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique. « Monte, puits, acclamez-le. Le puits que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont ouvert, avec le sceptre, avec leur bâton. » Du désert, ils allèrent à Matana. De Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamot, de Bamot à la vallée qui est dans les champs de Moab, au sommet du Phasga, qui domine le désert. Israël envoya des messagers à Séhon, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous ne nous écarterons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Séhon ne permit pas à Israël de passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, et, étant sorti à la rencontre d'Israël dans le désert, il vint à Jaza et livra bataille à Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée, et se rendit maître de son pays depuis l'Arnon jusqu'au Jabbok, jusqu'aux enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était forte. Israël prit toutes ses villes, et Israël s'établit dans toutes les villes, des Amoréens à Hézebon et dans toutes les villes de son ressort. Car Hézebon était la ville de Séhon, roi des Amoréens, qui avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hézebon, que la ville de Séhon soit rebâtie et fortifiée, car il est sorti un feu de Hézebon, une flamme de la ville de Séhon. Elle a dévoré Ar-Moab, les maîtres des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Chamos. Il a livré ses fils fugitifs et ses filles captives à Séhon, roi des Amoréens. Et nous avons lancé sur eux nos traits. Hézebon est détruite jusqu'à Dibon. Nous avons dévasté jusqu'à Nophé, avec le feu jusqu'à Nédaba. » Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jazer, et ils prirent les villes de son ressort, et expulsèrent les Amoréens qui y étaient. Puis, changeant de direction, ils montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édraï. Le Seigneur dit à Moïse, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui, tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Séhon, roi des Amoréens, qui habitait à Hézebon. » Et ils le bâtirent, lui et ses fils et tout son peuple, jusqu'à ne pas lui laisser de survivants. Et ils s'emparèrent de son pays. Chapitre 22. Les enfants d'Israël, étant partis, campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Séphor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face du peuple, car celui-ci était nombreux. Il fut saisi d'épouvante en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf dévore la verdure des champs. » Balak, fils de Séphor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, qui est sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, pour l'appeler et lui dire « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la face de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens donc, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le jeter hors du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian se mirent en route, emportant avec eux le salaire du devin. Arrivés auprès de Balaam, ils lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, selon ce que le Seigneur me dira. » Et les princes de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et lui dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ?» Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Séphor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, le peuple qui est sorti d'Égypte couvre la face de la terre. Viens donc, maudis-le-moi. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Le matin, Balaam, s'étant levé, dit au prince de Balak, « Allez dans votre pays, car le Seigneur refuse de me laisser aller avec vous. » Alors les princes de Moab se levèrent et retournèrent vers Balak, et ils dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des princes en plus grand nombre et de plus haut rang que les premiers. Arrivés auprès de Balaam, ils lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Séphor. Que rien, je te prie, ne t'empêche de venir vers moi, car je te rendrai les plus grands honneurs, et je ferai tout ce que tu me diras. Mais viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre du Seigneur, mon Dieu, en faisant une chose, petite ou grande. Maintenant, je vous prie, restez ici, vous aussi, cette nuit, que je sache ce que le Seigneur me dira encore. » Dieu vint à Balaam dans la nuit et lui dit, « Si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi et va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin et, ayant scellé son ânesse, il partit avec les princes de Moab. La colère de Dieu s'alluma parce qu'il allait, et l'ange du Seigneur se plaça sur le chemin pour lui faire obstacle. Balaam était monté sur son ânesse, et il avait avec lui ses deux serviteurs. L'ânesse vit l'ange du Seigneur qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Et Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Alors l'ange du Seigneur se tint dans un chemin creux entre les vignes, où il y avait une clôture de chaque côté. Voyant l'ange du Seigneur, l'ânesse se serra contre le mur et pressa contre le mur le pied de Balaam, et celui-ci la frappa de nouveau. L'ange du Seigneur passa plus loin et se tint dans un lieu étroit où il n'y avait pas d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse, en voyant l'ange du Seigneur, se coucha sous Balaam, et la colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse de son bâton. Le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait, que tu m'aies frappé ces trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es joué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as toujours monté jusqu'à présent? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Et il répondit, « Non. » Le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange du Seigneur qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange du Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse ces trois fois ? Voici, je suis sorti pour te faire obstacle, car, à mes yeux, le chemin que tu suis te mène à la ruine. » L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi ces trois fois. Si elle ne s'était pas détournée devant moi, je t'aurais tué, toi, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange du Seigneur, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te tenais devant moi sur le chemin. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retournerai. » L'ange du Seigneur dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne diras pas autre chose que ce que je te dirai. » Et Balaam alla avec les princes de Balak. Balak, ayant appris que Balaam arrivait, sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la frontière de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'avais-je pas envoyé déjà vers toi pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Ne puis-je pas en vérité te traiter avec honneur ?» Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi, mais maintenant pourrais-je dire quoi que ce soit ? Les paroles que Dieu mettra dans ma bouche, je les dirai. » Balaam se mit en route avec Balak, et ils arrivèrent à Kiriath Chutzot. Balak immola en sacrifice des bœufs et des brebis, et il en envoya des portions à Balaam et aux princes qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit avec lui Balaam et le fit monter à Bamoth-Baal, d'où Balaam put apercevoir les derniers rangs du peuple. Chapitre 23. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici sept autels, et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak avec Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que le Seigneur viendra à ma rencontre, et quoi qu'il me fasse voir, je te le dirai. » Et il s'en alla sur une hauteur dénudée. Dieu vint à la rencontre de Balaam qui lui dit, « J'ai dressé les sept autels, et j'ai offert sur chaque autel un taureau et un bélier. » Le Seigneur mit une parole dans la bouche de Balaam et dit, « Retourne auprès de Balak et parle-lui ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les princes de Moab. Et Balaam prononça son discours en disant, « D'Aram, Balak m'a fait venir. Le roi de Moab m'a fait venir des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, courrouce-toi contre Israël. Comment maudirai-je quand Dieu ne maudit pas ? Comment me courroucerai-je quand le Seigneur n'est pas courroucé ? Car du sommet des rochers je le vois, du haut des collines je le considère. C'est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne sera pas mis au nombre des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob, et dénombrer le quart d'Israël ? Que je meure de la mort des justes, et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait ? Je t'ai pris pour maudire mes ennemis, et voilà, tu ne fais que bénir. » Il répondit et dit, « Ne dois-je pas avoir soin de dire ce que le Seigneur met dans ma bouche ?» Balak lui dit, « Viens avec moi à une autre place, d'où tu le verras. Tu en verras seulement l'extrémité, sans le voir tout entier. Et de là, maudis-le-moi. » Il le mena au champ des sentinelles, sur le sommet de Phasga, et, ayant bâti sept autels, il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Et Balaam dit à Balak, « Tiens-toi ici près de ton holocauste, et moi j'irai là à la rencontre de Dieu. » Le Seigneur vint à la rencontre de Balaam, et il mit une parole dans sa bouche et dit, « Retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, et les princes de Moab avec lui. Balak lui dit, « Qu'a dit le Seigneur ?» Et Balaam prononça son discours en disant, « Lève-toi, Balak, et écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Séphor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Est-ce lui qui dit et ne fait pas, qui parle et n'exécute pas ? Voici, j'ai reçu ordre de bénir. Il a béni. Je ne révoquerai point. Il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. Le Seigneur, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation d'un roi. Dieu les fait sortir d'Égypte. Sa vigueur est comme celle du buffle. Parce qu'il n'y a pas de magie en Jacob, ni de divination en Israël. En son temps, il sera dit à Jacob et à Israël ce que Dieu veut accomplir. Voici un peuple qui se lève comme une lionne, et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point qu'il n'ait dévoré sa proie, et qu'il n'ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, « Ne le maudis pas, et ne le bénis pas. » Balaam répondit et dit à Balak, « Ne t'ai-je pas parlé ainsi ? Je ferai tout ce que dira le Seigneur. » Balak dit à Balaam, « Viens donc, je te mènerai à une autre place. Peut-être plaira-t-il au regard de Dieu que de là tu me le maudisses. » Balak mena Balaam sur le sommet du Phogor qui domine le désert. Et Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels, et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Chapitre 24. Balaam vit que le Seigneur avait pour agréable de bénir Israël, et il n'alla pas, comme les autres fois, à la rencontre des signes magiques. Mais il tourna son visage du côté du désert. Ayant levé les yeux, il vit Israël campé par tribus, et l'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça son discours en disant « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme dont l'œil est fermé, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui contemple la vision du Tout-Puissant, qui tombe et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres sur le bord des eaux. L'eau déborde de ses deux seaux. Sa race croît sur des eaux abondantes. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume est exalté. Dieu le fait sortir d'Égypte. Il lui donne la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui lui font la guerre. Il brise leurs os et les foudroie de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? Béni soit qui te bénira, et maudit soit qui te maudira. » La colère de Balak s'enflamma contre Balaam, et il frappa des mains. Et Balak dit à Balaam, « Je t'ai appelé pour maudire mes ennemis, et voici, tu n'as fait que les bénir ces 3 fois. Et maintenant, fuis, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te comblerais d'honneur, et voici, le Seigneur t'écarte de l'honneur. » Balaam répondit à Balak, « N'ai-je pas dit à tes messagers que tu m'as envoyé ? Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre du Seigneur, en faisant de moi-même une chose bonne ou mauvaise. Mais ce que le Seigneur me dira, je le dirai. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens donc, que je t'annonce ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des jours. » Et Balaam prononça son discours et dit, « Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme dont l'œil est fermé, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui connaît la science du Très-Haut, qui contemple la vision du Tout-Puissant, qui tombe et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non comme présent. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il brise les deux flancs de Moab. Il extermine tous les fils du tumulte, Édom et sa possession. Séir, son ennemi, et sa possession, et Israël déploie sa vaillance. De Jacob sort un dominateur. Il fait périr dans les villes ce qui reste d'Édom. Balaam vit Amalek, et il prononça son discours et dit « Amalek est la première des nations, et sa fin sera la ruine. » Balaam vit le Sinéen, et il prononça son discours et dit « Ta demeure est solide, et ton nid posé sur le roc. Toutefois le Sinéen ira se consumant. Jusqu'à quand ? Assur l'emmènera en captivité. » Balaam prononça son discours et dit « Hélas, qui subsistera quand Dieu fera cela ? Des navires viennent de Sittim. Ils oppriment Assur, ils oppriment Héber, et lui aussi est voué à la ruine. » Balaam s'étant levé, se mit en route et s'en retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Chapitre 25. Pendant qu'Israël demeurait à Sittim, le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Béel-Fégor, et la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Le Seigneur dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et pends les coupables devant le Seigneur, à la face du soleil, afin que le feu de la colère du Seigneur se détourne d'Israël. » Et Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous mette à mort ceux de ces gens qui se sont attachés à Béel-Fégor. » Et voici qu'un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, qui pleuraient à l'entrée de la tente de réunion. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, se leva du milieu de l'assemblée. Il prit une lance dans sa main, suivit l'homme d'Israël dans l'arrière-tente, et les perça tous deux, l'homme d'Israël et la femme, par le ventre. Alors la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de ma jalousie au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma jalousie, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi dit, je lui accorde mon alliance de paix. Ce sera, pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été jaloux pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. » L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zamri, fils de Salu. Il était prince d'une maison patriarcale des Siméonites. La femme madianite qui fut tuée s'appelait Cosbi, fille de Sur, chef de tribu, de maison patriarcale en Madian. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Traitez les madianites en ennemis et tuez-les, car ils ont agi en ennemis à votre égard, en vous séduisant par leurs ruses, au moyen de Fogor, au moyen de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, qui fut tuée le jour de la plaie survenue à l'occasion de Fogor. » Chapitre 26. À la suite de cette plaie, le Seigneur parla à Moïse et à Éléazar, fils d'Aaron, le prêtre, en disant, « Faites le compte de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon leur maison patriarcale, de tous les hommes d'Israël en état de porter les armes. » Moïse et le prêtre Éléazar leur parlèrent donc dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, en disant, « Vous ferez le recensement du peuple depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël. Fils de Ruben. De Hénoc, la famille des Hénokites. De Phallu, la famille des Phalluites. De Hesron, la famille des Hesronites. De Charmi, la famille des Charmites. Telles sont les familles des Rubénites. Leurs recensés furent 43 730. Fils de Phallu, Éliab. Fils d'Éliab, Namuel, Datan et Abiron. C'est ceux Datan et sept Abiron, membres du conseil, qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans la troupe de Corée lorsqu'elle se souleva contre le Seigneur. La terre, ouvrant sa bouche, les engloutit avec Corée quand la troupe périt, et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent d'exemple. Mais les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur famille. De Namuel, la famille des Namuélites. De Jamin, la famille des Jaminites. De Jachin, la famille des Jachinites. De Zaré, la famille des Zaréites. De Saül, la famille des Saülites. Telles sont les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille. De Séphon, la famille des Séphonites. D'Agi, la famille des Agites. De Sunite, la famille des Sunites. D'Ozni, la famille des Oznites. De Her, la famille des Hérites. D'Arod, la famille des Arodites. D'Ariel, la famille des Ariélites. Telles sont les familles des fils de Gad, selon leur recensé, 40 500. Fils de Juda, Her et Onan. Mais Her et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda selon leur famille. De Séla, la famille des Sélaïtes. De Phares, la famille des Pharésites. De Zaré, la famille des Zaréites. Les fils de Phares furent de Hesron, la famille des Hesronites. De Hamul, la famille des Hamulites. Telles sont les familles de Juda, selon leur recensé, 76 500. Fils d'Isachar, selon leur famille. De Tola, la famille des Tolaïtes. De Fua, la famille des Fuaïtes. De Jassub, la famille des Jassubites. De Semran, la famille des Semranites. Telles sont les familles d'Isachar, selon leur recensé, 64 300. Fils de Zabulon selon leur famille. De Sared, la famille des Sarédites. D'Elon, la famille des Elonites. De Jalel, la famille des Jalélites. Telles sont les familles issues de Zabulon, selon leur recensé, 60 500. Fils de Joseph selon leur famille. Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé. De Machir, la famille des Machirites. Machir engendra Galaad. De Galaad, la famille des Galaadites. Voici les fils de Galaad. Jézer, d'où la famille des Jézérites. De Hélek, la famille des Hélicites. Asriel, d'où la famille des Asriélites. Séchem, d'où la famille des Séchémites. Sémida, d'où la famille des Sémidaïtes. Hépher, d'où la famille des Héphrites. Salphahad, fils d'Hépher, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Salphahad. Mahala, Noa, Hegla, Melcha et Tersa. Telles sont les familles de Manassé. Leurs recensés furent 52 700. Voici les fils d'Éphraïm selon leur famille. De Sutala, la famille des Sutalaïtes. de Bécher, la famille des Béchrites, de Théen, la famille des Théénites. Voici les fils de Sutala, d'Héran, la famille des Héranites. Telles sont les familles des fils d'Éphraïm, selon leur recensé. 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Fils de Benjamin, selon leur famille. De Béla, la famille des Bélaïtes. D'Asbel, la famille des Asbélites. D'Ahiram, la famille des Ahiramites. De Supham, la famille des Suphamites. De Hupham, la famille des Huphamites. Les fils de Béla furent Héred et Noéman. De Héred, la famille des Hérédites. De Noéman, la famille des Noémanites. Tels sont les fils de Benjamin, selon leur famille, et leurs recensés furent 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Suham descend la famille des Suhamites. Telles sont les familles de Dan, selon leur famille. Total des familles des Suhamites, selon leur recensé. 64 400. Fils d'Azer, selon leur famille. De Jemna, la famille des Jemnites. De Jesui, la famille des Jesuites. De Brié, la famille des Briéites. Des fils de Brié, de Héber, la famille des Hébrites. De Melchiel, la famille des Melchielites. Le nom de la fille d'Azer était Sarah. Telles sont les familles des fils d'Azer, d'après leur recensé. 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille. De Jéziel, la famille des Jézielites. De Guni, la famille des Gunites. De Jézer, la famille des Jézérites. De Sélem, la famille des Sélémites. Telles sont les familles de Nephtali, selon leur famille, et leurs recensés furent 45 400. Tels sont les enfants d'Israël qui furent recensés, 601 730. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « À ceux-ci le pays sera partagé pour être leur héritage selon le nombre des noms. Au plus nombreux tu donneras un héritage plus grand, et au moins nombreux tu donneras un héritage plus petit. » On donnera à chacun son héritage selon ses recensés. Seulement le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en partage selon les noms des tribus patriarcales. C'est par le sort que l'héritage sera réparti aux plus nombreux comme à ceux qui le sont moins. Voici, selon leur famille, les Lévites qui furent recensés. De Gerson, la famille des Gersonites. De Kahath, la famille des Kahathites. De Merari, la famille des Mérarites. Voici les familles de Lévi. La famille des Lobnites, la famille des Hébronites, la famille des Moholites, la famille des Musites et la famille des Coréites. Kahath engendra Amram, et le nom de la femme d'Amram était Jochabed, fille de Lévi, que sa mère enfanta à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram Aaron, Moïse et Marie, leurs sœurs. Il naquit à Aaron Nadab et Abiu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abiu moururent lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant le Seigneur. Leurs recensés, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 23 000, car ils ne furent pas compris dans le recensement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point assigné d'héritage au milieu des enfants d'Israël. Tels sont les hommes recensés par Moïse et Éléazar, le prêtre, qui firent le recensement des enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et Aaron, le prêtre, avaient fait le recensement dans le désert de Sinaï. Car le Seigneur avait dit d'eux, ils mourront dans le désert. Et il n'en resta pas un, excepté Caleb, fils de Jéphoné, et Josué, fils de Noun. Chapitre 27. Alors s'approchèrent les filles de Salphahad, fils de Hépher, fils de Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, des familles de Manassé, le fils de Joseph. Leurs noms étaient Mahala, Noa, Hegla, Melcha et Tersa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le prêtre Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente de réunion, et elles dirent « Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de la troupe de ceux qui se liguèrent contre le Seigneur, de la troupe de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'a pas eu de fils ? Donne-nous une propriété parmi les frères de notre père. » Moïse porta leur cause devant le Seigneur, et le Seigneur dit à Moïse : Les filles de Salphahad ont dit une chose juste. Tu leur donneras en héritage une propriété parmi les frères de leur père, et tu leur feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël en disant : Si un homme meurt sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille, et s'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et s'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au parent le plus proche dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une règle de droit, comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse : Monte sur cette montagne d'Abarim et vois le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le verras, et toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli, parce que dans le désert de Sin, lors de la contestation de l'assemblée, vous avez été tous deux rebelles à l'ordre que j'avais donné de me sanctifier devant eux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de Meriba, à Kadès, dans le désert de Sin. Moïse parla au Seigneur en disant : Que le Seigneur, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée du Seigneur ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Le Seigneur dit à Moïse : Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant Éléazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée, et tu l'installeras sous leurs yeux. Tu mettras sur lui une part de ton autorité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël lui obéisse. Il se présentera devant le prêtre Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant le Seigneur. C'est sur son ordre que sortiront, sur son ordre qu'entreront, lui, Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée. Moïse fit ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il prit Josué, et il le plaça devant Éléazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée. Et ayant posé ses mains sur lui, il l'installa, comme le Seigneur l'avait dit par Moïse. Chapitre 28. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur : Vous aurez soin de me présenter, au temps fixé, mon offrande, mon aliment pour les sacrifices faits par le feu, qui sont pour moi d'agréable odeur. Tu leur diras : Voici le sacrifice par le feu que vous offrirez au Seigneur. Chaque jour, deux agneaux d'un an, sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et le deuxième agneau entre les deux soirs, et, pour l'oblation, un dixième d'épha de fleurs de farine, pétri avec un quart de hin d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï, d'agréable odeur, un sacrifice par le feu au Seigneur. Sa libation sera d'un quart de hin pour chaque agneau. c'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin pur au Seigneur. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs. Tu feras comme pour l'oblation du matin et sa libation. C'est un sacrifice par le feu, d'une agréable odeur au Seigneur. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an, sans défaut, et comme oblation, deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile et sa libation. C'est l'holocauste du sabbat, pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et sa libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez comme holocauste au Seigneur deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut, et, comme oblation pour chaque taureau, trois dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile. Comme oblation pour le bélier, deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile. Comme oblation pour chaque agneau, un dixième de fleurs de farine pétries à l'huile. C'est un holocauste d'agréable odeur, un sacrifice par le feu du Seigneur. Leurs libations seront d'un demi-hin de vin pour un taureau, d'un tiers de hin pour un bélier, et d'un quart de hin pour un agneau. Tel est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour les mois de l'année. On offrira aussi au Seigneur un bouc en sacrifice pour le péché, outre l'holocauste perpétuel et sa libation. Au premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque du Seigneur. Le 15e jour de ce mois sera jour de fête. On mangera pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en sacrifice par le feu un holocauste au Seigneur. Deux jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an, sans défaut. Et, comme leur oblation, de la fleur de farine pétrie à l'huile. 3 dixièmes pour un taureau, 2 dixièmes pour un bélier, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché, pour faire l'expiation pour vous. Vous ferez cela sans préjudice de l'holocauste du matin, qui est l'holocauste perpétuel. Vous ferez cela chaque jour, pendant 7 jours. C'est l'aliment d'un sacrifice par le feu, d'agréable odeur au Seigneur. Ainsi sera-t-il fait sans préjudice de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Le 7e jour, vous aurez une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Au jour des prémices, quand vous présenterez au Seigneur une oblation de la moisson nouvelle, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez comme holocauste d'agréable odeur au Seigneur 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an, et, comme leur oblation, de la fleur de farine pétrie à l'huile. 3 dixièmes pour chaque taureau, 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez aussi un bouc pour faire l'expiation pour vous. Vous ferez cela sans préjudice de l'holocauste perpétuel et de son oblation. Vous aurez des victimes sans défaut, et vous y joindrez leur libation. Chapitre 29. Au 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera pour vous le jour du son éclatant des trompettes. Vous offrirez comme holocauste d'agréable odeur au Seigneur un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an, sans défaut, et, comme leur oblation, de la fleur de farine pétrie à l'huile. 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier, et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez aussi un bouc en sacrifice pour le péché, pour faire l'expiation pour vous. Vous ferez cela sans préjudice de l'holocauste du mois et de son oblation, de l'holocauste perpétuel et de son oblation, et de leur libation d'après les règles prescrites. Ce sont des sacrifices par le feu, d'agréable odeur au Seigneur. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte assemblée et vous affligerez vos âmes. Vous ne ferez aucune œuvre. Vous offrirez en holocauste d'agréable odeur au Seigneur un jeune taureau,

Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël en disant « Voici ce que le Seigneur ordonne. Si un homme fait un vœu au Seigneur, ou s'il fait un serment pour s'imposer à soi-même un engagement, il ne violera point sa parole. Tout ce qui est sorti de sa bouche, il le fera. Si une femme, encore jeune fille, dans la maison de son père, fait un vœu au Seigneur et se lie par un engagement, et que son père apprenne son vœu et l'engagement qu'elle s'est imposé à elle-même, et que son père garde le silence envers elle, tous ses vœux qu'elle aura faits et tout engagement qu'elle s'est imposé à elle-même seront valables. Mais si, le jour où il en a connaissance, son père la désavoue, tous ses vœux et tous les engagements qu'elle s'est imposés à elle-même seront sans valeur, et le Seigneur lui pardonnera parce que son père l'a désavoué. Si elle se marie, et que pèse sur elle ses vœux ou une parole imprudemment sortie de ses lèvres par laquelle elle s'est imposée à elle-même un engagement, et si son mari, l'apprenant, garde le silence envers elle le jour où il l'apprendra, ses vœux seront valables, ainsi que ses engagements qu'elle s'est imposés à elle-même. Mais si, le jour où il l'apprend, son mari la désavoue, il rend nul son vœu qui pèse sur elle et la parole imprudemment sortie de ses lèvres par laquelle elle s'est imposée à elle-même un engagement. Et le Seigneur lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, tout engagement qu'elle s'est imposé à elle-même, seront valables pour elle. Si c'est dans la maison de son mari qu'une femme a fait un vœu ou s'est imposé à elle-même un engagement par un serment, et que son mari, l'apprenant, garde le silence envers elle et ne la désavoue pas, tous ses vœux seront valables, ainsi que tous les engagements qu'elle s'est imposés à elle-même. Mais si, le jour où il l'apprend, son mari les annule, tout ce qui est sorti de ses lèvres, vœu ou engagement, sera sans valeur. Son mari les a annulés, et le Seigneur lui pardonnera. Tout vœu et tout serment par lequel elle s'engage à affliger son âme, son mari peut les ratifier et son mari peut les annuler. Si son mari garde d'un jour à l'autre le silence envers elle, il ratifie ainsi tous ses vœux et tous ses engagements qui pèsent sur elle. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il l'a appris. S'il les annule après le jour où il l'a appris, il portera l'iniquité de sa femme. Telles sont les lois que le Seigneur prescrivit à Moïse, entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est jeune encore et dans la maison de son père. Chapitre 31. Le Seigneur parla à Moïse en disant « Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Moïse parla au peuple en disant « Armez pour la guerre des hommes d'entre vous, et qu'il marche contre Madian, pour exécuter la vengeance du Seigneur sur Madian. Vous enverrez à la guerre 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. » On leva donc d'entre les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes armés pour la guerre. Moïse les envoya au combat, 1000 hommes par tribu, eux et Phiné, le fils d'Éléazar, le prêtre, qui avait avec lui les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Outre ceux qui étaient tombés dans la bataille, ils tuèrent les rois de Madian, Évi, Ressem, Sur, Hur et Rebé, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent toutes leurs bêtes de somme, tous leurs troupeaux et tous leurs biens. Ils livrèrent aux flammes toutes les villes du pays qu'ils habitaient et tout leur campement. Ayant pris tout le butin et toutes les dépouilles, gens et bestiaux, ils amenèrent les prisonniers, les dépouilles et le butin à Moïse, à Éléazar le prêtre et à l'assemblée des enfants d'Israël, au camp, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, Éléazar, le prêtre, et tous les princes de l'assemblée sortirent au devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, qui revenaient du combat. Il leur dit, « Avez-vous donc laissé la vie à toutes les femmes ? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers le Seigneur, dans l'affaire de Phogor. Et alors la plaie fut dans l'assemblée du Seigneur. Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants, et tuez toute femme qui a connu la couche d'un homme. Mais toutes les filles qui n'ont pas connu la couche d'un homme, laissez-les vivre pour vous. Et vous, campez hors du camp pendant 7 jours. Quiconque a tué quelqu'un et quiconque a touché un mort se purifiera le 3e jour et le 7e jour, lui et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poil de chèvre et tout ustensile de bois. » Éléazar, le prêtre, dit aux hommes de guerre qui étaient allés au combat, « Voici ce qui est commandé par la loi que le Seigneur a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui va au feu, vous le ferez passer par le feu, et il sera pur. Toutefois, il sera purifié encore par l'eau de purification. Tout ce qui ne va pas au feu, vous le ferez passer par l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour, et vous serez pur. Vous pourrez ensuite entrer dans le camp. » Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Fais, toi et Éléazar, le prêtre, et les chefs de maison de l'assemblée, le compte de ce qui a été pris des dépouilles en hommes et en bestiaux, et partage les dépouilles entre les combattants qui sont allés à la guerre et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la part des soldats qui sont allés à la guerre un tribut pour le Seigneur, savoir 1 sur 500, gens, bœufs, âne et brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras à Éléazar, le prêtre, comme prélèvement du Seigneur. Sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu mettras à part 1 sur 50, gens, bœufs, ânes, brebis et tout bétail, et tu le donneras aux Lévites, qui ont la garde de la demeure du Seigneur. » Moïse et Éléazar, le prêtre, firent comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Les dépouilles, le reste du butin qu'avaient fait les combattants, étaient de 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes, et 32 000 d'entre les femmes, qui n'avaient pas connu la couche d'un homme. La moitié, part de ceux qui étaient allés à la guerre, fut de 337 500 brebis. 675 brebis pour le tribut du Seigneur, 36 000 bœufs, dont 72 pour le tribut du Seigneur, 30 500 ânes, dont 61 pour le tribut du Seigneur, et 16 000 personnes, 32 personnes pour le tribut du Seigneur. Moïse donna à Éléazar, le prêtre, le tribut prélevé pour le Seigneur, ainsi que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Quant à la moitié revenant aux enfants d'Israël, que Moïse avait séparée de celle des combattants, cette moitié, formant la part de l'assemblée, fut de 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit 1 sur 50 et le donna aux Lévites, qui ont la garde de la demeure du Seigneur, ainsi que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines, s'approchèrent de Moïse et lui dirent, « Tes serviteurs ont compté les combattants qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. C'est pourquoi nous apportons comme offrande au Seigneur les objets d'or que chacun de nous a trouvés, bracelets, chaînettes, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, pour faire l'expiation pour nous devant le Seigneur. » Moïse et Éléazar, le prêtre, reçurent d'eux cet or, tous ces objets bien travaillés. Tout l'or prélevé qu'ils présentèrent au Seigneur de la part des chefs de milliers et des chefs de centaines fut de 16 750 sicles. Les hommes de la troupe eurent chacun leur butin pour eux. Moïse et Éléazar, le prêtre, ayant pris l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines, l'apportèrent dans la tente de réunion, comme mémorial pour les enfants d'Israël devant le Seigneur. Chapitre 32. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient des troupeaux en nombre considérable. Voyant que le pays de Jazer et le pays de Galaad étaient un lieu propre pour les troupeaux, les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, d'Éléazar, le prêtre, et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent « Ataroth, Dibon, Jazer, Nemra, Hezebon, Éléalé, Saban, Nebo et Béon, ce pays que le Seigneur a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour les troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. » Ils ajoutèrent « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en possession à tes serviteurs, et ne nous fais point passer le Jourdain. » Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben. « Vos frères iront-ils à la guerre, et vous resterez-vous ici? Pourquoi découragez-vous les enfants d'Israël de passer dans le pays que le Seigneur leur donne? C'est ainsi qu'ont fait vos pères, quand je les envoyais de Kadès-Barnée explorer le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Escol et virent le pays, et ils découragèrent les enfants d'Israël d'entrer dans le pays que le Seigneur leur donnait. Et la colère du Seigneur s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant « Ces hommes qui sont montés de l'Égypte, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils ne m'ont pas fidèlement suivi, excepté Caleb, fils de Jéphonné, le Cénézéen, et Josué, fils de Noun, qui ont suivi fidèlement le Seigneur. » Et la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à ce que fût anéantie toute la génération qui avait fait le mal aux yeux du Seigneur. Et voici que vous prenez la place de vos pères, comme des rejetons de pécheurs, pour accroître encore l'ardeur de la colère du Seigneur contre Israël. Car si vous refusez de le suivre, il continuera de laisser Israël au désert, et vous causerez la ruine de tout ce peuple. » Ils s'approchèrent de Moïse et ils dirent « Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Mais nous nous armerons sans tarder pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qu'ils doivent occuper, et nos enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne reviendrons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage, car nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque notre héritage nous est venu de ce côté du Jourdain, à l'Orient. » Moïse leur dit « Si vous tenez cette conduite, si vous vous armez pour combattre devant le Seigneur, si tous les hommes armés d'entre vous passent le Jourdain devant le Seigneur, jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis de devant sa face, et que vous ne reveniez qu'après que le pays aura été soumis devant le Seigneur, vous serez sans reproche devant le Seigneur et devant Israël, et cette contrée-ci sera votre propriété devant le Seigneur. Mais si vous n'agissez pas ainsi, voici, vous péchez contre le Seigneur, et sachez que votre péché vous atteindra. Construisez donc des villes pour vos enfants et des parcs pour vos troupeaux, et exécutez la parole qui est sortie de votre bouche. » Les fils de Gad et les fils de Ruben parlèrent à Moïse en disant « Tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront ici, dans les villes de Galaad. Et tes serviteurs, tout homme armé pour combattre, passeront devant le Seigneur pour combattre, comme le dit mon Seigneur. » Alors Moïse donna des ordres à leur sujet à Éléazar, le prêtre, à Josué, fils de Noun, et aux chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, « Si les fils de Gad et les fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous les hommes armés pour combattre devant le Seigneur, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en possession la conquête de Galaad. Mais s'ils ne passent point en armes avec vous, ils seront établis au milieu de vous dans le pays de Canaan. » Les fils de Gad et les fils de Ruben répondirent en disant, « Ce que le Seigneur a dit à tes serviteurs, nous le ferons. Nous passerons en armes devant le Seigneur au pays de Canaan, et la possession de notre héritage nous demeurera de ce côté-ci du Jourdain. » Moïse donna aux fils de Gad et aux fils de Ruben, et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Séon, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Basan. Le pays avec ses villes et leurs territoires, les villes du pays d'alentour. Les fils de Gad bâtirent Dibon, Ataroth, Aroer, Ataroth-Sophan, Jazer, Jekbaa, Beth-Nemra et Beth-Aran, villes fortes, et ils firent des parcs pour le troupeau. Les fils de Ruben bâtirent Hezbon, Éléalé, Kariataïm, Nabo et Baal-Méon, dont les noms furent changés, et Sabama, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Machir, fils de Manassé, allèrent contre Galaad, et s'en étant emparés, ils chassèrent les Amoréens qui y étaient. Moïse donna Galaad à Machir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, alla et prit leur bourg, et il les appela bourg de Jaïr. Nobé alla et s'empara de Canat et des villes de son ressort. Il l'appela Nobé de son nom. Chapitre 33. Voici les campements des enfants d'Israël quand ils sortirent du pays d'Égypte, selon leurs troupes, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse mit par écrit les lieux d'où ils partirent, selon leur campement, d'après l'ordre du Seigneur. Et voici leur campement selon leur départ. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ceux que le Seigneur avait frappés parmi eux, tous leurs premiers-nés. Le Seigneur exerça aussi des jugements sur leurs dieux. Étant partis de Ramsès, les enfants d'Israël campèrent à Sokoth. Ils partirent de Sokoth et campèrent à Étham, qui est aux confins du désert. Ils partirent d'Étham et, ayant tourné vers Phi-Hahiroth, qui est vis-à-vis de Béel-Séphon, ils campèrent devant Magdalom. Ils partirent de devant Phi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer, vers le désert. Après 3 journées de marche dans le désert d'Étham, ils campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, et ils y campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dafka. Ils partirent de Dafka et campèrent à Alus. Ils partirent d'Alus et campèrent à Raphidim, et il n'y eut pas là d'eau à boire pour le peuple. Ils partirent de Raphidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert de Sinaï et campèrent à Kibroth Hataava. Ils partirent de Kibroth Hataava et campèrent à Hazeroth. Ils partirent de Hazeroth et campèrent à Rethma. Ils partirent de Rethma et campèrent à Rémon-Pharès. Ils partirent de Rémon-Pharès et campèrent à Lebna. Ils partirent de Lebna et campèrent à Ressa. Ils partirent de Ressa et campèrent à Séélata. Ils partirent de Séélata et campèrent à la montagne de Séphère. Ils partirent de la montagne de Séphère et campèrent à Arada. Ils partirent d'Arada et campèrent à Masseloth. Ils partirent de Masseloth et campèrent à Tahath. Ils partirent de Tahath et campèrent à Taré. Ils partirent de Taré et campèrent à Metcha. Ils partirent de Metcha et campèrent à Hesmona. Ils partirent de Hesmona et campèrent à Moseroth. Ils partirent de Moseroth et campèrent à Bené-Jaakan. Ils partirent de Bené-Jaakan et campèrent à Hor-Gadgad. Ils partirent de Hor-Gadgad et campèrent à Jetébata. Ils partirent de Jetébata et campèrent à Hébrona. Ils partirent de Hébrona et campèrent à Asion-Gaber. Ils partirent d'Asion-Gaber et campèrent dans le désert de Sin, c'est-à-dire à Kadès. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Aaron, le prêtre, monta sur la montagne de Hor, sur l'ordre du Seigneur, et il y mourut, la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le 1er jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Ce fut alors que le Cananéen, roi d'Arad, qui habitait le Négeb, dans le pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne de Hor et campèrent à Salmona. Ils partirent de Salmona et campèrent à Funon. Ils partirent de Funon et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Ijé-Abarim, à la frontière de Moab. Ils partirent de Ijé-Abarim et campèrent à Dibon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Helmon-Déblataïm. Ils partirent d'Helmon-Déblataïm et campèrent au mont Abarim, en face de Nebo. Ils partirent des monts Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Beth-Simoth jusqu'à Abel-Sethim, dans les plaines de Moab. Le Seigneur parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, en disant « Parle aux enfants d'Israël. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous expulserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs pierres sculptées et vous détruirez toutes leurs images d'airain fondu. Et vous dévasterez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous l'habiterez, car je vous ai donné le pays pour le posséder. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. Vous donnerez un héritage plus grand à ceux qui sont en plus grand nombre, et tu donneras un héritage plus petit à ceux qui sont en plus petit nombre. Ce que le sort assignera à chacun lui appartiendra. Vous le recevrez en propriété, selon vos tribus patriarcales. Mais si vous n'expulsez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et comme des aiguillons dans vos flancs, et ils vous traiteront en ennemis dans le pays que vous allez habiter. Et je vous traiterai vous-même comme j'avais résolu de les traiter. » Chapitre 34. Le Seigneur parla à Moïse en disant « Commande aux enfants d'Israël et dis-leur. Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, voici le pays qui vous tombera en partage. Le pays de Canaan, selon ses limites. Savoir, le côté du Midi sera pour vous le désert de Sin, jusqu'à Édom, et votre frontière méridionale partira de l'extrémité méridionale de la mer Salée, vers l'Orient. Et votre frontière inclinera au sud par la montée d'Akrabim, passera par Sin, et arrivera jusqu'au Midi de Kadès-Barnée. Elle continuera par Hatsar-Adar et passera vers Azémon. Et depuis Azémon, la frontière arrivera jusqu'au torrent d'Égypte pour arriver à la mer. Quant à la frontière occidentale, vous aurez pour frontière la Grande Mer. Ce sera votre limite à l'Occident. Voici quelle sera votre frontière septentrionale. À partir de la Grande Mer, vous la tracerez pour vous par le mont Hor. Depuis le mont Hor, vous la tracerez jusqu'à l'entrée de Hamath et la frontière arrivera à Sedada. Et la frontière continuera par Sephron pour arriver à Hatsar Enan. Ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre frontière orientale de Hatsar Enan à Sepham, et la frontière descendra de Sepham vers Rebla, à l'est d'Aïn. Et la frontière descendra et s'étendra le long des collines qui flanquent la mer de Sénéret à l'Orient. Et la frontière descendra le long du Jourdain pour arriver à la mer Salée. Tel sera votre pays selon les frontières tout autour. Moïse donna cet ordre aux enfants d'Israël en disant « C'est là le pays que vous partagerez par le sort et que le Seigneur a ordonné de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. » Car la tribu des fils de Ruben, selon leur maison patriarcale, et la tribu des fils de Gad, selon leur maison patriarcale, ont reçu leur héritage. La demi-tribu de Manassé a reçu son héritage. Les 2 tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'Orient, vers le Levant. Le Seigneur parla à Moïse en disant « Voici les noms des hommes qui partageront le pays entre vous. Éléazar, le prêtre, et Josué, fils de Noun. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu pour vous partager le pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphoné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amiud. Pour la tribu de Benjamin, Elidad, fils de Chazelon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Bossi, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Haniel, fils d'Éphod. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Camuel, fils de Sephtan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Élisaphan, fils de Pharnac. Pour la tribu des fils d'Isachar, le prince Phaltiel, fils d'Ozan. Pour la tribu des fils d'Azer, le prince Ahiud, fils de Salomi. Pour la tribu des fils de Nephtali, le prince Fédaël, fils d'Amiud. Tels sont ceux à qui le Seigneur ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Chapitre 35. Le Seigneur parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, en disant « Ordonne aux enfants d'Israël de céder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes pour y habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites des lieux de pâture autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et leurs lieux de pâture seront pour leur gros bétail, pour leurs autres biens et pour tous leurs animaux. » Les lieux de pâture des villes que vous donnerez aux Lévites seront, à partir du mur de la ville, en dehors, de 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez, en dehors de la ville, 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Tels seront les lieux de pâture de leur ville. Quant aux villes que vous donnerez aux Lévites, ce sont les 6 villes de refuge, que vous disposerez pour que le meurtrier s'y réfugie. Et, en plus, vous donnerez 42 autres villes. Ainsi, toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront au nombre de 48 villes, avec leurs lieux de pâture. Pour les villes que vous donnerez sur les possessions des enfants d'Israël, vous prendrez plus de ceux qui ont plus, et vous prendrez moins de ceux qui ont moins. Chacun cédera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il aura reçu. Le Seigneur parla à Moïse en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous choisirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra se retirer le meurtrier qui aura tué quelqu'un par mégarde. » Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit pas mis à mort avant d'avoir comparu en jugement devant l'assemblée. Quant aux villes que vous donnerez, vous aurez 6 villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans le pays de Canaan. Elles seront villes de refuge. Ces 6 villes serviront de refuge pour les enfants d'Israël, pour l'étranger, et pour celui qui demeure au milieu de vous, afin que tout homme qui aura tué quelqu'un par mégarde puisse s'y retirer. S'il l'a frappé avec un instrument de fer, et que la mort s'en suive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il l'a frappé, ayant à la main une pierre qui peut causer la mort, et que la mort s'en suive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. S'il l'a frappé, ayant à la main un instrument de bois qui peut causer la mort, et que la mort s'en suive, c'est un meurtrier. Le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera lui-même mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. S'il a renversé un homme par haine, ou s'il lui a jeté quelque chose en guet-apens, et que la mort s'en suive, ou s'il l'a frappé de sa main par inimitié, et que la mort s'en suive, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera. Mais s'il l'a renversé par hasard, sans inimitié, ou s'il lui a jeté quelque chose sans intention, ou s'il a fait tomber sur lui par mégarde une pierre qui peut causer la mort, et que la mort s'en suive, sans qu'il soit son ennemi et qu'il lui cherche du mal, l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang, selon ses lois. Et l'assemblée délivrera le meurtrier du vengeur du sang, et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Et il y demeurera jusqu'à la mort du grand prêtre qui a été oint de l'huile sainte. Si le meurtrier sort avant ce temps du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de sa ville de refuge, et si le vengeur du sang tue le meurtrier, il ne sera pas coupable de meurtre, car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Et, après la mort du grand prêtre, le meurtrier pourra retourner au pays où se trouve sa possession. Ces ordonnances fixeront le droit pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand un homme en a tué un autre, c'est sur la déposition de témoins qu'on ôtera la vie au meurtrier. Mais un seul témoin ne peut déposer pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier dont le crime mérite la mort, car il doit être mis à mort. Vous n'accepterez point de rançon qui permette à celui qui s'est enfui dans sa ville de refuge de revenir habiter dans son pays avant la mort du grand prêtre. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il n'y a pour le pays d'expiation pour le sang qui y a été répandu que par le sang de celui qui l'a répandu. Tu ne profaneras point le pays où vous demeurerez et au milieu duquel j'habite, car je suis le Seigneur qui habite au milieu des enfants d'Israël. Chapitre 36. Les chefs des maisons patriarcales de la famille des fils de Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'étant approchés, parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de maison patriarcale des enfants d'Israël. Ils dirent : Le Seigneur a ordonné à mon Seigneur de donner par le sort le pays en héritage aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu du Seigneur l'ordre de donner l'héritage de Salphahad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères, et il s'ajoutera à celui de la tribu dont elles feront partie, et il sera retranché du lot de notre héritage. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu dont elles feront partie, et leur héritage sera retranché de l'héritage de la tribu de nos pères. Moïse donna ce commandement aux enfants d'Israël, sur l'ordre du Seigneur. Il dit : La tribu des fils de Joseph a bien parlé. Voici ce qu'ordonne le Seigneur au sujet des filles de Salphahad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Ainsi l'héritage des enfants d'Israël ne passera pas d'une tribu à une autre tribu, et les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Toute fille possédant un héritage dans quelque tribu des enfants d'Israël se mariera avec un homme d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël conservent chacun l'héritage de ses pères. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse, ainsi firent les filles de Salphahad, Mahala, Tersa, Hegla, Melcha et Noa, filles de Salphahad, se marièrent avec des fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et ainsi leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Telles sont les ordonnances et les lois que le Seigneur donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.